Et non, pas du tout. Et ben du coup, t'es en filaire, je pense, là. Presque. Karine! Je vais t'apprendre ce que Non, c'est c'est d'être sur un un ordinateur dictateur, de pas. portable, mais il est beaucoup mieux et il marche très bien. Voilà. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le volume de mon micro est bon? Moi, je Est-ce trouve que pas ça mal. va T'es un pour toi? poil trop fort, peut-être. Pardon? Tu es un poil trop forte, peut-être. Si t'as moyen de régler Okay. ça ou de t'éloigner un tout petit peu. Voilà. Tu es parti dans une autre pièce. Ça va mieux? Écoute, oui, peut-être un tout petit peu plus proche. Voilà. Je suis chiant, hein? Ah ben, écoute, je vais te faire une confidence. Je crois que c'est quand même un petit peu la première fois que je suis avec quelqu'un avec qui j'ai autant de mal de démarrer. Ah bah merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Au Non, revoir, ben, de Karine. rien. Je t'en prie. Ben, sûrement qu'on a plein de choses d'autres à dire, en fait. Ouais, c'est peut-être ça en fait. On aurait dû faire deux, trois sessions de discussion avant d'enregistrer en fait. Vas-y, c'est déjà arrivé avec des invités, moi aussi, où on a discuté, au bout d'un moment, je dis bon, écoute, là, on continue à discuter, on s'en fout, on enregistrera une prochaine fois parce que c'est pas possible, quoi. Bah. Ben ouais, mais en même temps, tu vois, Si voilà, on a envie quoi. de discuter, Ben, voilà en quoi. même temps, si tu tombes avec quelqu'un d'intéressant, tu vois, c'est con de dire, bon, on arrête nos discussions intéressantes pour se sentir obligé d'enregistrer le podcast, tu vois. Tu vois, ok, c'est bon, on finit notre discussion intéressante. Ça m'est même arrivé de devoir faire trois sessions de suite, justement, pour enregistrer. Après, ça prend beaucoup de temps, mais finalement, c'était des superbes rencontres. Moi, je regrette pas, quoi. Si ce soir tu veux que discuter, moi je veux bien que discuter, je m'en Ah non, fous. c'est comme tu veux. Après, c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu tard, vu ce dont tu veux parler, peut-être, quoi. J'ai l'impression que tu vas nous lancer sur des trucs un petit peu complexes. Et ouais, et donc du coup, ben moi, tu vois, ça va. Moi, je suis en week-end, donc je m'en fous Ouais, d'y c'est ça. passer un certain temps. C'est ça. Toi, c'est pas le cas, donc donc je me dis, là, je me dis que si je commence à discuter. Ça peut te prendre un certain temps. Mais continue à enregistrer, hein, ça n'a aucune importance. Ouais, j'enregistre, ceci dit, c'est pas grave. Si on le... Moi, de toute façon, je peux le refaire une prochaine fois, il n'y a pas de stress, quoi. Après, je sais pas dans ton timing, si ça joue ou pas, tu vois, il y a ça aussi à prendre en considération, quoi. Ah, oui, ça va changer mes plans. Mais Donc, bon, ça, c'est ça chiant. c'est. Si ce soir il en sort rien, et auquel cas. Vraiment, ça ne me gêne pas du tout parce que moi, c'est le plaisir de discuter avec toi et pas autre chose. C'est pas grave. Je ferai autre chose. Je discuterai d'autre chose. Oui, après, Mais ça dépend si tu as, si ça c'est. Parce que ceci dit, on peut encore enregistrer, ça pose pas de problème. Je peux, moi, tu vois, j'ai les horaires libres, donc je peux me lever à 7 heures si j'ai envie, Oh. tu vois. Donc c'est pas un problème en soi, tu vois. Après, c'est juste si toi tu le sens, si t'as de la, si t'as de la peine à démarrer, à te structurer, c'est peut-être juste pas le moment, tu vois. Il y a aussi des moments où t'as moins de feeling, Mais tu non, vois. Je sais attends. pas. Oh, j'étais bien partie, moi. Hein. T'étais bien parti, mais après j'ai fait foirer le truc, C'est. je Ah sais. ouais, non, mais. Mais Après, ceci c'est dit, toi si qui. tu as envie de recommencer maintenant, structuré comparé à ton plan, il n'y a aucun souci, on peut le faire. Ça ne me pose aucun problème, vraiment. Je vais te dire honnêtement, le fait d'avoir préparé quelque chose comme ça, c'est pas dans mes habitudes. J'ai cru comprendre, ouais. Donc, c'était pour tester et on peut faire quelque chose là tout de suite. Moi, je retourne mes pages, on s'en fout complètement et on Bah, y il y va. avait des trucs intéressants quand même dans ce que tu avais noté, je me rappelle plus quoi, mais Tu viendras deux fois. je peux venir deux fois aussi si t'as envie, c'est pas un problème. Non, je sais pas, t'avais sorti des Ah ouais, trucs. c'était ah oui, c'était très très intéressant. En plus, j'ai continué ce matin et ouais. Bah, en fait, Donc je veux pas le bâcler. mais en fait, c'est juste que c'est, si tu veux, c'est une phrase qui peut t'emmener un quart d'heure de discussion, mais comme ça t'évite justement de parler d'autres sujets qui sont peut-être moins intéressants ou moins pertinents. Et tu vois, c'est plus un plan, une ligne que je trouvais plutôt pas mal. Moi, je trouvais ça bien, tu vois. Mais après, c'est comme tu veux, hein. Si t'as envie de suivre ou pas, c'est ton podcast, hein. Je me dis pas, d'accord, et on recommence, d'accord? Et on parle de ce que tu veux me parler, là, de la petite phrase que je ne sais pas laquelle t'as lue, Ah mais et j'ai tout trouvé ça me va facilement. bien, ne me dis pas, et on recommence comme ça, d'accord? Alors attends, je recherche juste le mail, comme ça je l'ai sous les yeux. Ah ben, Clac. ouais, d'accord, ok. Clac. Oui, moi je Avec le lien? m'excuse, hein, c'est. Oui, je l'ai de toute Mais façon. c'est Oh, là! méchante. Présentation avec un petit lol. Non mais tu te fous de ma gueule. Non mais Karine, t'imagines que t'as enlevé si. Un plan. Je trouvais ça pas marrant en t'as fait. T'as enlevé un plan à un Suisse. T'imagines l'état de détresse morale dans lequel je me trouve. J'avais une structure, j'avais quelque chose de noté, j'étais bien dans mes limites, j'avais une voie à suivre, j'étais, tu vois, guidé comme ça. Et maintenant, là, tu me laisses la liberté, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, je ne sais plus quoi dire. Je te laisse en liberté, ouais. Et... ah, je suis déçu. Et en fait, je trouve ça... Non, j'aime pas, je l'ai fait pour essayer, j'aime pas. Même si je donne l'impression parfois de discuter à l'arrache comme ça, c'est pas vrai, hein. Je prépare mon truc. Hein. Mais c'est le but, ouais. Quand je prends beaucoup, beaucoup de notes et j'écris beaucoup de réflexions sur mes cahiers, mais une fois que je l'ai écrit, je l'ai en tête. C'est ça. J'ai plus du tout besoin de notes. Là, d'avoir pris des notes comme ça, je trouvais ça foiru parce que j'ai pas retenu ce que j'ai écrit déjà. Et puis voilà, quand j'ai l'impression de faire un exposé d'école, j'aime pas ça. Ça, mes notes ressemblent pas à ça du tout, quoi, d'habitude. Et en fait, je crois que je m'y retrouve bien dans mon bordel. Bon, enfin bref. Enfin bref. Alors attends, tu sais quoi, tu t'es, tu me laisses parler. Vous écoutez Une fille, un podcast. C'est l'épisode numéro 3 de ce qu'on appelle maintenant les hors-séries. Alors, Jonathan, salut. Salut, Karine. Et Jonathan, vous le connaissez, c'est quelqu'un qu'on retrouve sur VoyageCast et Anthropodcast, avec Anne-Laure, d'ailleurs. On salue au passage. Ouais, bisous. Donc on avait prévu ce soir de faire un long et grand épisode hors série avec Jonathan. On allait y passer toute la nuit, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Bah, on est parti pour, a priori. Hein. Et puis finalement, qu'est-ce que t'en penses? On va en faire un petit. On va prendre quoi? Une demi-heure, ça serait bien. Et puis on va parler un petit peu de... Est-ce qu'on a envie de parler de podcast, en fait? Est-ce que t'as envie de parler de podcast, toi? Écoute, moi, j'ai plaisir à discuter avec toi. Je parle de ce que tu veux. Moi, j'aime bien le podcast parce que j'en fais et puis j'en écoute beaucoup. Après, est-ce que j'ai quelque chose de pertinent à dire dessus? Très bonne question. J'en sais rien. J'en sais rien, exactement. Moi non plus. Je te suis. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on lance la discussion sur le sujet que tu as vu dans mes notes. Alors donc, Jonathan, j'avais un petit peu envie de discuter avec toi et puis pas forcément de podcast, j'en sais rien, enfin discuter quoi, discuter pour discuter. Et puis si dans la discussion il y a des podcasts qui nous viennent à l'esprit, écoute, on les citera. Ok, ça marche. Voilà, moi j'avais il y a quelque chose que je me demande toujours quand je t'écoute. C'est, est-ce que tu dis vraiment ce que tu penses? Enfin, oui, ce que tu dis, je pense que tu le penses, mais est-ce que tu te limites? Est-ce que tu te dis, non, ça c'est pas vraiment politiquement correct de dire ça? Ou alors, est-ce qu'il faut que je fasse attention à froisser personne? Est-ce que, tu vois, est-ce que tu prends un avis modéré quand tu fais quelque chose ou quand tu publies quelque chose, quoi? Je me pose toujours la question, en fait, quand j'entends parler les gens d'une question de société, quoi. C'est compliqué. Une bonne question, hein. En fait, c'est compliqué à répondre parce que je me rappelle, tu vois, du coup, je veux parler de podcast, ça tombe bien. On avait fait un podcast anniversaire avec Podcast Suisse, tu sais, il y a Podcast Science, Niptech, PodSource, etc. Et on avait fait un podcast, et je crois que c'était Alexandra ou. Enfin, bref, qui est du podcast Tale of the World, qui est un podcast plutôt sérieux, qui parle politique, économie, elle est économiste, et qui avait demandé à un mec qui faisait de la radio, qui venait de la radio suisse romande, ou de Couleur 3, je me rappelle plus, enfin, une radio nationale, puis qui disait, ouais, mais est-ce que vous vous censurez pas à la radio, et est-ce que c'est pas un avantage du podcast de ne pas se censurer? Puis il avait répondu. C'était ça le mot. Et il avait répondu, en réalité, de toute façon, tu te censures tout le temps. En fonction des gens avec qui t'es. Effectivement, le moment où t'es le moins censuré, c'est probablement quand t'es bourré avec des gens que tu connais pas. Ou alors avec quelqu'un que tu connais assez pour pouvoir dire n'importe quelle cochonnerie ou idée plus ou moins extrémiste, et que tu sais que ou le mec va oublier parce qu'il est bourré comme toi, ou de toute façon il t'en voudra pas. Mais sinon, de toute façon, dans tous tes rapports humains, tu fais de la censure, et c'est un petit peu normal. Et puis sur Voyage Cast, j'essaie d'avoir un avis équilibré pour me mettre en porte-à-faux de celui que j'interview, tu vois. Si la personne que j'interview, elle a un avis plutôt, pas extrême forcément, mais peut-être dans les mots, dans sa formulation, elle a des idées bien, bien serrées d'un côté, ouais. Moi, je vais exprès prendre l'autre partie pour qu'au final, le podcast soit équilibré. Parce que je trouve que ce qui est important, c'est qu'au final, le podcast soit équilibré, mais tu peux avoir été dans les deux extrêmes pendant le podcast. Mais il faut qu'à la fin, ce soit équilibré justement pour que tu n'attaques personne en particulier, si tu veux. Et ça, oui, c'est quelque chose que j'essaye vraiment de faire, parce que les gens n'écoutent pas du podcast pour être attaqués ou pour avoir... pour être peut-être insulté par ce que tu dis. Et je pense non, je pensais pas. Je pensais pas forcément à ça. Mais je pense pas dans le sens là, mais c'est vrai que... Mais donc, oui, forcément, tu te censures. Et bon, je pense... entre guillemets, être quelqu'un de plus ou moins équilibré, où j'essaye d'être équilibré, tu vois, de toujours voir tous les aspects d'une problématique, et du coup, quand tu vois tous les aspects, généralement, t'as un avis plutôt équilibré, tu vois. Mais si, bien sûr, c'est une réflexion que t'as quand tu parles, parce que t'as des gens qui t'écoutent, donc forcément, tu fais attention. Oui, je pense que oui, tu te limites, quoi. Après, il faut définir ce que c'est politiquement correct, tu vois. Je trouve que... Peut-être c'est un biais que certains podcasteurs ont pris, tu vois, ou je sais pas, par exemple, on prend l'apéro du capitaine, que j'écoute, que j'aime beaucoup, tu vois, mais eux, ils sont ouvertement politiquement incorrects, on va dire, et puis ça va très bien avec le podcast. Mmh. Moi, j'aime bien, à la rigueur, parler de des mêmes sujets qu'eux, mais d'une façon plus équilibrée, entre guillemets, tu vois. Si tu parles d'anthropologie, par exemple, puisque je fais anthropodcast, il y a des sujets qui sont quand même, pour le coup... On va aborder certains sujets au niveau de la sexualité ou au niveau de certaines pratiques dans certains endroits du monde qui sont clairement politiquement totalement incorrects. Mais du moment que tu le fais d'un point de vue entre guillemets anthropologique, équilibré, en présentant les choses comme elles sont, pourquoi elles sont faites, etc., tu peux te permettre d'avoir des idées ou de dire des choses qui sont politiquement incorrectes, mais ça sera correct, tu vois. Je sais pas si j'exprime bien, mais c'est ouais, plutôt si, dans c'est la clair. Façon de dire les choses... Bah en fait, c'est quand tu tombes sur un podcast qui l'annonce dès le départ, voilà, tu sais à quoi t'attendre. Mm-hmm. Ce qu'on définirait comme quelque chose qui est peut-être parfois, je sais pas, ou indécent ou malvenu, ou voilà, ben ça serait peut-être dans quelque chose qui où ça serait pas annoncé dès le départ, quelque chose qui étonne, on se dit tiens, mais qu'est-ce que ça vient faire là, quoi ? J'écoute pas ça pour entendre ça. Mm-hmm. En même temps, peut-être les épisodes où c'est le plus fragile, mais où j'essaye justement d'expliquer les choses comme je les vois ou comme on peut les voir. Tu vois, c'est par exemple l'épisode sur les États-Unis, je sais pas si tu l'as écouté, où je suis tout seul, où je parle par exemple de racisme aux États-Unis ou des armes aux États-Unis parce que j'ai été en Louisiane par exemple, etc. Et où je trouve, justement, j'essaye de me mettre en porte-à-faux de l'idée qui se dit « Ah, les armes, c'est toute façon mal, etc. » Et moi, j'essaye de présenter la chose d'une autre manière et ça peut être... présenté comme quelque chose de politiquement incorrect, de dire qu'il y a une réflexion peut-être plus profonde à faire sur les armes que seulement de dire les armes tuent donc il faut les éliminer, parce qu'en réalité ouais. Ça a des racines beaucoup plus profondes. Et je Mais me dis toujours... Après, je peux te couper. Vas-y, vas-y. Ça dépend aussi de ton... De l'éducation qu'on t'a faite, pas forcément familiale, mais tu vois, un petit peu la morale de ton pays ou des choses comme ça. Mmh. Si en France, tu commences à parler d'avoir une arme pour te défendre ou des choses comme ça, c'est clairement pas du tout dans la mentalité. Exact. Donc, on nous a inculqué dès le plus jeune âge, c'est mal, c'est pas bien, voilà. Et à chaque fois que tu vas voir une info ou quelque chose comme ça à la télévision française, ça va être relayé que sur des informations où quelqu'un aura malheureusement pris une arme quelque part dans un pays pour faire un carnage, pour faire je sais pas quoi. Tu vois, ça donne un petit peu du grain à moudre à ceux qui sont contre ça. Alors, ça ne veut pas dire du tout que je suis pas du tout en train de dire Ah, je suis pas que c'est pro-arme bien non ou que plus, c'est hein, pas bien ou qu'il faut pas. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand tu vas juste écouter toujours la même chose et avoir tout le temps le même point de vue, bah, tu peux pas prendre le temps de la réflexion puisque finalement, on t'offre pas l'opportunité d'avoir une nouvelle idée que celle qu'on t'a conditionné pour depuis le début, quoi, depuis petit. Je Et sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois tout à fait, je suis d'accord avec toi, et donc, ouais, voilà. C'est ce que j'essaye aussi de défendre, entre guillemets, ou de promouvoir, je sais pas comment le dire, autant sur Voyage Casque que sur Entre Podcast, c'est chaque fois d'essayer de présenter d'autres angles de choses qu'on connaît déjà. Pas forcément pour dire que c'est un angle qui est meilleur ou qui est plus juste, mais non, juste pas que du c'est tout. un autre angle. Et qu'il mérite l'attention comme tous les angles par lesquels t'as pu voir les choses. Et effectivement, le traitement des médias est plutôt généralement toujours le même, en tout cas dans un pays particulier, si on élimine les journaux plutôt de droite ou plutôt de gauche, tu vois. Si on prend tout ce qu'il y a au milieu, généralement c'est un peu toujours les mêmes idées, et je trouve ça dommage parce que ça fait pas vraiment avancer la pensée personnelle, tu vois aussi. Ah, c'est clair. Donc, Ben, c'est ouais. du conformisme, quoi. T'as la pensée unique qui est bien prévue pour nous tous, et puis c'est comme ça qu'on doit penser, et puis c'est comme ça qu'on va penser. Voilà, c'est prévu. Et c'est dirigé comme ça. En soi, c'est bien parce que ça favorise un équilibre. Si tout le monde a une même pensée, c'est aussi beaucoup plus facile à influencer, c'est à gouverner. Pratique. Ben voilà, Ah ouais, exactement. C'est pratique. Et ceci dit, ça ne veut pas dire que ceux qui pensent autrement ont plus raison que la majorité, tu vois. Il faut, non, pas du tout. Faut pondérer les choses. Mais c'est ouais. Justement intéressant de voir d'autres angles. Ouais. Mais par contre, je trouve qu'on nous offre de moins en moins la possibilité-là, quoi. Moi, je ne suis pas d'accord, en fait. Je trouve que... Attends, je parle... Là, je suis en train de parler de ce que les médias proposent à la télé, en fait. Moi, j'aurais peut-être dû Ouais, préciser ça. Ouais. Préciser ça. Voilà. Effectivement. Vas-y, je pense, alors sans aller dans le complotisme, etc., c'est pas quelque chose que je pense, mais les médias font leur job, tu vois. Et toi, en tant que citoyenne, et moi, en tant que citoyen, notre job, c'est de pouvoir aller chercher les infos ailleurs. En l'occurrence, on a ce merveilleux outil qui est bientôt vieux, qui s'appelle Internet, où on peut justement avoir d'autres avis sur les choses. Et je pense qu'après, là, c'est la liberté individuelle et l'intelligence individuelle qui doit être mise en route pour que toi-même, tu puisses aller chercher des infos autre part, justement, pour la mettre en opposition avec ce que la majorité dit, tu vois. Oh, les outils, on les a, au fond, tu vois. Hein, c'est ma pensée personnelle, mais pour moi, Internet, c'est vraiment un des outils, je trouve, les meilleurs qu'on ait, surtout dans nos pays où, généralement, on est plutôt connecté à Internet. C'est un outil incroyable, justement, pour avoir d'autres avis, ce qui fait que si t'es toujours influencé par les médias aujourd'hui, ça veut dire que ta consommation de médias est mauvaise. Ça veut dire que tu consommes que ce qu'on te donne à consommer et que tu vas jamais chercher quelque chose d'autre, tu vois. Dans les médias, t'inclus quoi alors ? Alors j'aurais dû utiliser le terme médias classiques. J'entends télévision, journaux. Pas forcément tout. Il y a probablement des chaînes de télé qui sont plutôt honnêtes dans leur recherche, etc. Mais ce qui est marrant, c'est que on a des reportages et tout ça qui nous montrent que la télé, c'est du faux, si tu veux. Mais pas toute la télé. Attention, hein, c'est ça qui est difficile. Tu vois, c'est pas que les infos à la télé sont fausses. C'est que certaines choses sont biaisées. Certains reportages sont clairement putassiers, pour utiliser un joli mot. Et on non, mais il va bien avec le truc. Il va bien avec le truc. Mais ce qui est marrant, c'est que les gens le savent. Ils mais l'ont regarde appris. Quand même. Mais ils continuent à le regarder et à le croire. Ce qui me fait poser beaucoup de questions sur parfois l'intelligence et bon l'état d'esprit critique des gens qui nous entourent. Mais dans le sens, on a des possibilités de voir autrement. Et je pense que le podcast, pour ça, le podcast et Internet, il a vraiment un joli rôle à jouer, tu vois. Je pense aussi. En fait. Moi, j'ai l'impression, quand je regarde la télé, et de moins en moins, en fait, je m'aperçois que je l'allume quasiment plus. Et moins tu l'allumes, et plus tu te rends compte de l'absurdité de certaines choses. Je me demande toujours s'ils font le sujet parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire là-dessus, ou s'ils font un sujet juste parce qu'ils pensent que ça va peut-être nous intéresser. Auquel cas, si vraiment le média le fait pour plaire au public, ben, je trouve qu'ils ont quand même une basse estime de leur public, quoi. Tu vois alors, ce que alors je veux attention, dire ? On fait la même chose sur Internet. Hein. Juste pour le dire, ça c'est ouais. Internet, si tu regardes ce qui marche beaucoup et ce qui prouve que peut-être justement le média n'est pas c'est seulement triste, le problème, hein. Le média c'est les je gens. Je suis quasiment sûre de ce que tu vas me dire. Mais bah, si tu regardes les BuzzFeed, les machins, etc., ça marche et c'est des articles à la con qui ouais. globalement poussent aussi une même idéologie, tu vois. Enfin, c'est marrant, des fois je me fais la réflexion. Il y a pas longtemps, on avait beaucoup d'excuses pour l'être humain, tu sais. Tu vois, il y a quelques centaines d'années, on disait oui, mais bon, les gens réfléchissent pas par eux-mêmes. Mais tu vois, les seuls bouquins qui existent, c'est la ouais. Bible et c'est en latin. Donc forcément, les mecs, ils ont pas appris à lire. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Et ces gens-là avaient une excuse pour être guidés par des gens pas forcément intelligents et avoir des réflexions pas forcément ouvertes sur le monde, tu vois. Mais je pense qu'Internet est en train de casser ça, clairement. C'est-à-dire que maintenant, tu as la possibilité, si t'es quelqu'un qui sait un minimum utiliser Internet, d'apprendre à peu près tout sur n'importe quoi. Alors attention, ça demande un travail de curation, etc. Sur Internet, tout n'est pas parfait, mais tu peux le faire. Et si les gens ne le font pas, ça pose problème. Non, puis, ben, hormis le fait d'avoir, comme tu dis, une certaine habilité à trouver l'info, en fait, finalement, il faut la chercher. C'est ça. Hein, toi, il faut creuser. Hormis ça, il faut aussi faire preuve un petit peu de discernement ou d'esprit critique. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui est... Enfin, j'ai l'impression qu'on t'apprend plus vraiment. Alors, moi, je vais faire ma vieille... Vas-y. On a le droit, on est entre nous. Non, bah, moi, je sais pas. Je pense que tout le monde a forcément un esprit critique, hein, c'est obligé. Mais. Ben, je suis pas. T'es pas d'accord ? Oh, si. Non, mais pas... si, c'est juste qu'on nous donne pas l'occasion de le développer, moi, je pense. Ah oui, qu'à la base, on sert on des est trucs tous... sous cuits. Oui. Pour avoir un esprit critique, il faut qu'on t'offre plusieurs points de vue et que tu puisses en faire le choix. Ou que tu puisses développer un quatrième, un troisième, un cinquième qui est le tien. Et j'ai l'impression qu'on t'offre plus ce choix-là, en fait, quand tu regardes la télé classique. Alors là, je parle que de la télé. Mmh. Et t'as pas possibilité d'avoir plusieurs angles sur une info ou des choses comme ça. Ou alors, il faut vraiment aller chercher quelque chose. Et encore que, quoi. J'ai l'impression qu'on peut changer de chaîne autant qu'on veut. On ressasse, quoi, toujours le même truc. Et on te le digère et on te le donne pré-mâché à avaler comme ça. Et ça sera bien. T'as ta petite bouillie. Puis c'est bon. De toute manière, t'auras la belle image bien sensationnelle qui va aller avec. Et puis ça va passer tout seul, quoi. Tu vas intégrer l'info. Puis tu vas passer à autre chose, quoi. Puis, voilà. C'est pas faux. Après, je fais un podcast sur le voyage, donc forcément, mais je pense que les voyages, notamment que ce soit en vrai ou via des livres, par exemple, mm-hmm. te permettent justement d'observer comment d'autres sociétés réfléchissent. Et ça te permet toi-même, quand tu rentres, de te dire tiens, mais on fait ça toujours comme ça, ou on nous dit ça toujours de cette manière. J'ai entendu le contraire ou quelque chose de différent quelque part d'autre. Ça avait l'air de marcher tout aussi mal ou tout aussi bien. Donc finalement, peut-être, il faut évoluer dans ta façon de penser. Et je pense que c'est peut-être un truc... Alors c'est vrai, l'école n'est pas forcément faite pour ça, mais par exemple, qui n'est pas beaucoup exploré à l'école, par exemple. Donc, si tu veux, on te présente... De quoi ? De développer l'esprit critique ? De développer l'esprit critique et surtout de voir autre chose. Parce que l'esprit critique, c'est bien, mais il faut que tu... Enfin, pour moi, une des essences de l'esprit critique, c'est la comparaison. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu dois avoir plusieurs angles présentés devant toi... Et tu dois tous les connaître. Et puis ensuite, tu dois te faire ta propre idée parce que finalement, beaucoup de choses restent personnelles, tu vois. Il n'y a pas forcément une vérité vraie sur tout ce qu'on voit, etc. Ah bah non, forcément, tu as plein de facteurs qui entrent en jeu, quoi. Exactement. Selon ce que tu as vécu, ou... ouais. Mais c'est logique. Mais on ne te présente même pas forcément ça. Et si tu... je ne sais pas, par exemple, si on... On peut placer un podcast. Je ne sais pas si tu écoutes Temporium de Richard Fremder. Mm-hmm. Par exemple, lui parle de l'histoire. Hein. C'est un podcast, vraiment, il faut que vous l'écoutiez. C'est dans mon top 3 de podcasts que j'écoute. Et ce qui est génial, je trouve, c'est qu'il arrive à nous reparler de l'histoire, à nous en parler de façon différente. Et tout d'un coup, on se dit, ouais, mais ce que j'ai appris à l'école, c'est pas nécessairement que c'est faux, mais ça a été décidé que c'était la vérité à enseigner à l'école à ce moment-là. Et peut-être qu'on a fait de nouvelles découvertes entre deux... Mais voilà, tu le sais pas, tu vois. Par exemple, je sais pas si t'as écouté son épisode sur Alésia. Non, j'en suis pas encore à là. J'ai un petit peu de retard. T'as un petit peu de retard, c'est pas grave. Il est sorti il y a longtemps, l'épisode sur Alizé. Oui, bah, un petit peu beaucoup de retard. Mais vraiment, tous les auditeurs, c'est un épisode à écouter absolument. Ouais. Moi, j'ai été choqué, honnêtement. Pourtant, c'est l'histoire. Hein, donc, puis, on va dire, entre guillemets, où était Alizia. Aujourd'hui, la plupart des gens s'en foutent et ne savent même pas le mettre sur la carte de toute façon, donc que ce soit un endroit ou un autre, ça n'a pas grande importance, mais ça fait partie de toutes ces choses, ouais, je trouve, où t'as pas d'esprit critique parce qu'on t'a pas montré qu'il y avait deux possibilités, si tu veux. On te dit, ben voilà, c'est comme ça. Ouais. On te montre pas qu'il y a une autre possibilité, donc tu peux pas faire marcher ton esprit critique. Et je vais aller même, tu vois, ça nous est arrivé à Paris là quand on a enregistré entre podcasts, on est arrivé chez un mec et pour te dire aussi pourquoi je taunte, par exemple ça c'est un truc que je le dis très clairement, je taunte souvent, que ce soit sur Voyagecast ou entre podcasts, justement ce que j'appelle ces médias classiques qui produisent pour moi beaucoup de merde et on paye cher pour qu'ils produisent ça en plus. On est arrivé chez un anthropologue, tu vois, donc le gars fait beaucoup de recherches sur les SDF, tu vois. Il est spécialisé là-dedans, donc à Paris, il va voir les SDF, il va voir comment tout fonctionne, et puis un petit peu, entre guillemets, le business des SDF, ce qui est une idée déjà assez comique pour beaucoup de gens, je pense. On est arrivé chez lui, on a commencé à installer les micros, etc. Et puis il nous dit, alors comment ça se passe l'enregistrement ? Puis je dis ben voilà, on a deux caméras, comme ça nous permet de vous avoir en film, on a les micros, etc. Puis on c'est une discussion, voilà, vous nous racontez un petit peu ce que vous voulez, on aimerait parler des SDF, de vos recherches, etc. Puis le mec nous fait ah, ok, c'est sympa, mais c'est diffusé comment après ? Moi je dis ben dans l'absolu, pour que ce soit pas trop long pour les gens, on découpe normalement un épisode d'à peu près un quart d'heure, 20 minutes, quelque chose comme ça, et puis c'est diffusé directement sur internet, en podcast, en vidéo, sur YouTube, etc. Puis il dit ouais mais c'est pas coupé. Puis je dis ben non, écoutez, si on fait du podcast, c'est justement parce qu'on n'est pas obligé de couper. Puis il m'a dit oui, parce que j'ai des journalistes qui sont venus, un petit peu comme vous, j'ai passé une heure et demie à leur expliquer plein de trucs et tout ça sur ces recherches. Résultat, il y a 30 secondes qui sont sorties à peu près dans l'interview à la télévision qui voulait rien dire en plus parce que c'était du montage. Ouais, soit ça veut rien dire, soit carrément même c'est détourné ou transformé, quoi. Voilà. Finalement, je me suis aperçue de ça en faisant certains montages de mes épisodes, en enlevant un tout petit mot ou en mettant une phrase avant une autre, ça donne un tout autre sens au truc, quoi. Ouais. Et c'est là que tu t'aperçois à quel point tu peux manipuler exactement la phrase de l'autre personne, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que mon deal avec les invités, c'est toujours de dire, ça sera pas coupé. S'il y a des choses qui sont coupées, ce sera parce qu'on a été faire pipi ou parce qu'on a il y a un bruit de bouteille ou n'importe quoi. Mmh. Mais ce que vous dites ne sera pas coupé parce que je n'ai pas la légitimité de te faire dire quelque chose que tu n'as peut-être pas pensé. Et du coup, le gars, pour continuer sur ça, le gars nous a fait 2h20 d'interview. À la fin, nos caméras tournaient plus parce qu'elles avaient plus de batterie, rien, il y aura que du son. Ça va être une catastrophe. Il a dit des trucs, honnêtement. Ouais. J'ai jamais entendu ça nulle part. On est sorti de cette interview, on était mal. Bon, quand est-ce qu'il va sortir ce truc ? Parce que là, tu me donnes envie d'écouter. Hein. C'est... Alors, on n'a pas vraiment fait exprès, mais ça sortira autour de Noël. Je peux dire que ça va être joyeux. Non, ah, mais c'est une horreur, son nom, ce qu'il dit. Et ceci dit, c'est des recherches anthropologiques, si tu veux. C'est pas un allumé qu'on a trouvé dans la rue qui nous raconte ça. C'est des trucs hallucinants que j'ai jamais entendu. Et moi, tout du long, j'étais là et je disais, mais j'ai jamais entendu ça nulle part. Pourquoi ? Enfin, les pourquoi, ils sont évidents quand tu sais ce qu'il raconte, mais... Ouais, voilà. Et c'est pour ça que... Il faut quand même se méfier d'Internet, il faut quand même se méfier des podcasts qu'on écoute, parce que justement, le truc, c'est que quand on sortira cette interview, enfin ces interviews en l'occurrence, parce que 2h20, ça sortira pas en une fois, ça demande aussi vérification de ce que lui avance, tu vois. Ouais. Mais il n'empêche que ce que lui avance n'a pas été lancé quelque part ailleurs, quoi. Et c'est pour ça que, personnellement, je regarde plus la télé, j'écoute plus la radio, ça ne m'intéresse pas, en fait. Je préfère autant lire des livres, justement, notamment d'anthropologues, de voyageurs, etc., qui eux sont généralement plutôt sans langue de bois ou qui vont plus dans les détails. Et du coup, quand tu vas plus dans les détails, ça devient plus difficile de cacher certaines choses, tu vois. Ouais, ouais. Puis tu prends le temps, je pense aussi. Il y a le côté zapping qu'il faut pas négliger, quoi. Ah mais oui, mais écoute, ça fait depuis des années que les nouvelles, on essaye de nous expliquer la guerre en Afghanistan en 3 minutes. Mais c'est pas possible. Au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est des problématiques où il y a des gars qui étudient ça pendant des années. Alors effectivement, on n'a pas tous le temps d'étudier des années pour comprendre la guerre en Afghanistan, mais c'est beaucoup trop simple que ce qui est exposé en 3 minutes, tu vois. Je dirais la même chose pour la science, pour toutes ces choses qui sont présentées dans des sujets extrêmement courts. Globalement, ça n'a aucun sens. C'est pour ça aussi, des fois, que j'aime bien le podcast. C'est parce que quand tu as choisi un thème vraiment précis, tu vois, même si ça peut paraître un truc un peu thème de niche ou je sais pas quoi. Ah oui, un podcast sur les SDF à Paris, c'est vrai que c'est pas très bien d'ailleurs. Hein, ça. Non, mais là, tu prends ça. Mais qu'il y ait quelqu'un qui a l'air de connaître son truc et qui va t'en parler pendant 1h30, alors déjà, tu sais que tu vas avoir des détails et tu sais que ça va aller jusqu'au bout de la réflexion. Mmh. Après, c'est pas forcément des choses dont on partage la vie. Et il m'est arrivé d'écouter des podcasts avec lesquels j'ai pas les mêmes opinions politiques ou j'ai pas les mêmes idées, mais je trouve ça intéressant juste d'écouter autre chose, bah justement quoi, pour se faire son propre opinion et puis voilà quoi. Moi je me souviens que j'écoutais L'Autre Monde, je sais pas si tu connais. Non. Ça s'appelait L'Autre Monde et ça passait sur Choc FM, mais c'est terminé maintenant. Mmh. Ça date un peu, mais j'aimais bien. Le gars, il faisait un podcast qui durait une heure et demie. Je pense d'ailleurs, il est toujours écoutable, hein, même okay. s'il a arrêté pour des raisons que j'ai pas trop comprises. C'était clairement politique, mais il avait des idées un petit peu indéfinies. J'arriverais même pas à le définir comme ça. Un peu anticapitaliste, mais en même temps très. Il dénonçait beaucoup de choses. Et puis surtout, il allait récolter sur Internet tout un tas d'informations, peut-être alternatives pour nous en fait, parce que c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, ou surtout d'autres versions, tu vois. Je me souviens des derniers épisodes où il parlait justement de Fukushima, tu sais, quand il y avait eu l'explosion. Ouais. De la centrale, et il avait fait pas mal d'épisodes où il revenait là-dessus. Et ouais, c'était intéressant en fait d'avoir d'autres chiffres, d'autres points de vue. Il prenait le temps aussi de lire des articles qui étaient diffusés au Japon ou dans d'autres pays. Et ce qui fait que ça donnait peut-être un angle différent en fait. Exactement. Ouais. Non, c'est super important. Même sans partager forcément l'idée du mec, ni sa philosophie, parce que c'est quand même très particulier. Mais tu peux écouter ce genre de choses sans rentrer dans une espèce de doctrine et puis te dire ouais, c'est bon, j'adhère à toutes ces idées, c'est bon, je vais devenir comme ça et je suis d'accord avec lui. Mais ouais, tu vois, te faire poser juste la question, quoi, c'est pas mal des fois. Non, c'est même pas est-ce que ce qu'il dit c'est vrai, c'est plutôt ok, donc s'il y a quelqu'un d'autre qui peut dire autre chose, est-ce que ce que j'entends de manière classique, par les médias classiques, le journal télé ou quoi, est-ce que c'est vrai aussi? Enfin, tu vois, si t'as plusieurs sons de cloche, à un moment donné tu doutes et tu te dis ouais, en fait, voilà, tu te dis juste qu'est-ce qui est vrai à la fin. Donc la réponse, tu l'as important. Pas, hein, clairement. Mais bon. La réponse, si tu la veux, ça demande des recherches absolument incroyables, tu vois. C'est ouais, vrai qu'après, c'est un truc qu'on peut tout simplement pas faire. Mais ça reste intéressant d'avoir un avis différent. Je trouve que c'est hyper important. Et de toute façon, globalement, quand tout le monde est du même avis, il faut se méfier, tu vois. C'était un politicien qui m'avait dit ça une fois, il avait dit oui. Il faut toujours se méfier. Quand tout le monde en politique dit non ou dit oui, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a consensus, mais trop, si tu veux. Il a dit il faut toujours qu'il y ait de l'opposition parce que sinon il y a un problème. Effectivement, dans les médias, il y a des sujets où il n'y a globalement pas vraiment d'opposition pour différentes raisons. Et c'est intéressant d'entendre l'opposition, quitte à pas être d'accord avec. De toute façon, essentiellement, le débat d'idées, il n'a pas nécessairement but d'amener les gens de ton côté en réalité. Ah bah non. Ah non, c'est même prouvé que généralement les gens changent pas d'avis. C'est plus du débat. C'est de l'endoctrinement, je sais pas, mais en tout cas, c'est... Ouais. C'est plus douteux. Attends, j'ai retrouvé comment il présentait son podcast. Et il avait un blog qui s'appelait aussi Les Nouvelles Internationales. Et c'était... lui, il estimait résister à la manipulation de la pensée. Et il pensait qu'une population éduquée n'était plus manipulable. Alors, ça fait un peu bizarre, hein, dit comme ça, mais je sais pas. C'était intéressant. Après, ça peut paraître un peu aussi théorie du complot ou des choses comme ça, mais bon... Il y a toujours une limite où après, ouais, ça devient un petit peu absurde. Ouais, voilà, Ceci dit, effectivement, quand tu regardes ce qui se passe, les populations les moins informées et les moins critiques sont les plus malléables de toute façon. Ça se voit clairement quand même sur l'échiquier international, quoi. C'est pas dit non plus que celles qui ont plus d'esprit critique ou plus d'éducation s'en sortent nécessairement mieux. De toute façon, j'ai toujours préféré avoir trop de connaissances que pas assez. Ouais. Oui. Ouais. Je pense qu'il y a aussi une espèce de truc qui fait qu'il faut que tu sois occupé tout le temps, et du coup, t'as pas le temps de te poser et de réfléchir à un truc, quoi. Mais là aussi, c'est étrange, en fait, parce que je suis d'accord avec toi, mis à part que tu as l'occasion de pouvoir remplir cet espace avec des choses intelligentes. Tu vois, je suis effectivement, peut-être comparé à, je sais pas, à l'époque même de nos parents, etc., on est beaucoup plus occupés. Je comprends bien ce que tu veux dire. Je te coupe la parole. Mais en même temps, c'est notre faute, hein, clairement. C'est nous qui choisissons d'agir comme ça et de ne pas prendre le temps. Mais t'es tout le temps dans un mouvement qui fait que tu suis la masse, quoi, comme un mouton. Ouais, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que globalement, le temps, on l'a tous le même. Il y en a qui utilisent le temps, je sais pas, que ce soit dans le train, dans le bus, en voiture, n'importe quoi, pour écouter des podcasts, pour écouter des livres audio, de faire des choses qui globalement leur apprennent des choses, pour lire des bouquins, etc. Et t'en as d'autres qui lisent des nouvelles qui sont de toute façon quasiment toujours les mêmes, qui écoutent de la musique qui est toujours la même aussi, et qui ont pas l'équilibre de se dire bon, j'ai 2 heures par jour que je perds à faire des trucs plus ou moins inutiles, au moins 1 heure par jour je l'apprends à apprendre quelque chose. Et à mon avis, c'est aussi un petit problème, tu vois. La consommation, de toute façon, on le consomme, notre temps, on le remplit de toute façon, mais tu peux le remplir avec des choses plus ou moins intelligentes. Alors, je suis d'accord avec toi, mais je vais quand même dire que, quelque part aussi, juste histoire de te donner un contre-argument, c'est aussi que c'est sûrement reposant. Tu vois, quand... Est-ce que c'est reposant de lire des nouvelles ? Ou de regarder le journal de TF1. Mais bien sûr que c'est reposant. Bah, je dirais que tu c'est facile. Tu mets ton cerveau c'est... en pause qu'il y a quelqu'un c'est qui facile. Pense à ta place. Bah, après, on parle des nouvelles, mais n'importe quelle merde qui passe à la télé, c'est reposant. Tu vois, tu peux même regarder et t'as rien à... T'as pas à réfléchir, quoi. T'as pas à... Alors, je suis pas d'accord forcément avec ce que je dis, mais c'est... Je le dis juste pour... Non, mais je suis d'accord avec toi. Parce que je pense que c'est important. C'est facile à consommer. C'est facile. C'est facile et c'est reposant. Et le défaut, je pense, de l'homme, c'est d'aller toujours au plus facile. Pour la plupart. Tu peux pas dire le contraire, quoi. Je suis d'accord avec toi. Tu iras quand même au plus confortable, non ? Oui, ce que je reproche, c'est l'excès, en fait. Moi, quand je rentre chez moi, il y a aussi des fois où j'ai une journée pas évidente, où t'es fatigué, et effectivement, tu regardes une série à la con qui ne t'apprend rien sur rien, c'est pas grave. Eh ben, ça fait du bien, ça, exactement. Des fois. Le problème, c'est à quelle fréquence tu fais ça par rapport au moment que tu vas prendre pour consommer quelque chose qui va t'élever, tu vois. Et c'est ça le problème, tu vois. C'est un petit peu comme YouTube, par exemple, tu vois. Il y a des vidéos de chats. On regarde tous des vidéos de chats. Faut avouer, c'est mignon, c'est rigolo, c'est débile. Mais si tu regardes que ça, c'est problématique. Si tu regardes ça, puis qu'après tu regardes une chaîne scientifique, puis qu'après tu regardes une chaîne politique, puis après que tu regardes un truc de chat ou de comique, puis qu'après tu revois un truc, je sais pas quoi, qui présente, je sais pas, de voyage ou n'importe quoi, t'arrives à un équilibre entre ce qui te détend, ce qui t'instruit et ce qui fait de toi, je pense personnellement, quelqu'un de plus ou moins équilibré. Et le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas du tout cet équilibre, tu vois. Ah oui, je vois bien. Donc, dans l'équilibre, je vais mettre du coup des petits chats entre chaque truc que je... Ok? Va pour les petits chats. Mais Ça pourquoi me pas? parle. Parce que t'as raison, il y a certains. Tu vois, je veux dire, par exemple, c'est comme un petit peu podcast science. On parle de podcast. J'adore podcast science. Mais il y Mais a il n'y des a pas de moments où petits j'ai. chats? Il n'y a pas de Ça petits manque un chats. peu de petits chats d'ailleurs, je Mais trouve. voilà. Mais des fois, j'ai envie d'écouter podcast science parce que je me dis, tiens, j'ai envie d'apprendre un truc. J'ai envie même au boulot ou je sais pas, dans le Ouais. train, j'ai envie de faire quelque chose. Puis des fois, je me dis, ben non, j'ai pas envie parce que je suis fatigué, parce que je vais pas capter la moitié de ce qu'il raconte. Donc, allez, je vais écouter un podcast à vocation moins Une fille qui scientifique. parle toute seule pendant un quart d'heure, ça Voilà. détend. Non, mais n'importe quoi qui n'a pas cette vocation-là. Oui. Et puis ça passe bien. Mais ça n'empêche que tu dois faire les deux. Enfin, tu dois. Non, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais je suppose que si tu fais Heureusement, les ouais. deux, tu fais partie de ce citoyen qui est quand même plus capable de prendre des bonnes décisions que celui qui va. Par exemple, parmi les gens que je n'ai pas en grande estime, c'est Qu'est-ce que tu vas me dire? les Est-ce que super. ça va être diffusable ce que tu vas me dire ou Je pas? sais pas. Mais par exemple, typiquement, le supporter de foot, comme on l'imagine, tu vois. Où il y en Tu vas il, partir dans les clichés. je, Attention, je tu vas te pars dans les casser les dents clichés. là-dessus. Oui, Moi, je mais le ferai pas. voilà. Alors, ce que je veux Mais. dire, moi, c'est que par exemple, tu as le supporter de foot qui est vraiment basique, qui ne va parler que de foot, regarder que des journaux sportifs, ne passer ses week-ends qu'à regarder du foot. Le mec, au bout d'un moment, c'est pas étonnant qu'il soit un petit peu déséquilibré, tu vois. Oui, j'ai pas à peine à expliquer, à dire ça très clairement, tu vois, je suis pas politiquement correct. Par contre, le mec. Détestes le foot en fait. Je déteste le foot suprêmement. OK. Ceci dit, je n'ai rien contre le mec qui aime le foot, qui va regarder le mondial, qui va regarder un ou deux matchs par semaine, et qui, le reste de son temps, va faire d'autres choses, pas forcément plus intelligentes, mais différentes. Grâce à sa diversité, ça l'aide à être quelqu'un d'équilibré. Mais si le mec, il faut parler, au bout d'un moment, quand t'es monomaniaque, ça ne fonctionne pas. Et je suis désolé, mais si tu parles de trucs faciles à consommer et plutôt cons, le foot, c'est un des premiers trucs qui me vient à l'esprit. Hein. Et le sport en général. J'aime pas le sport, hein, si jamais. Je donc c'est crois de qu'on toute a, façon. enfin, je sais pas si on avait compris, mais Je je crois crois qu'on qu'on a a compris. compris. Donc, Et maintenant, je t'ai tu veux complètement laisser coupé. ça, tu veux laisser ce que tu viens de dire? Ah, mais Moi, j'ai aucun je. problème avec ça. Et ceci dit, je suis pas le seul à dire que le supporter de foot basique, c'est pas lui qui va nous faire un accélérateur à particules ou qui va nous inventer un truc qui va atterrir sur Mars. Tu vois, au bout d'un moment, il faut être. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que quand tu regardes les génies, ils faisaient tous des Ils trucs un faisaient petit peu tous du cons. foot. Non, ils Putain, faisaient. c'est dingue ça. Alors, le foot ou quelque chose d'autre, ils faisaient tous des trucs qui sont pas forcément intelligents, tu vois. Parce qu'ils ont besoin, parce que même un génie, il a besoin d'avoir du temps où son esprit, il est sur off. Tu vois, ça, c'est pas grave. Par contre, le génie, lui, il faisait des trucs intelligents à côté, tu vois. Et ce que je reproche, mais tu peux reprocher ça sur n'importe quel fan, même le fan de télé-réalité qui regarde que ça, au bout d'un moment, faut pas s'étonner qu'il soit un petit peu con, tu vois. Parce qu'il est monomaniaque, et c'est Le dangereux. fan, ouais, le fan de Claude François. Ils sont pas mal les fans de Claude François. Ouais, mais c'est le même problème. C'est qu'au bout d'un moment, ces gens sont déséquilibrés. Et c'est pour ça que, dans l'absolu, mais après, c'est pas forcément facile à faire dans la réalité, mais tu vois, par exemple, j'ai beaucoup de difficultés avec l'art. C'est quelque chose que j'ai de la peine à comprendre, parce que j'ai pas été éduqué forcément à regarder des peintures pendant des heures, ou Pourquoi j'ai etc. l'impression d'avoir déjà eu ce débat avec toi? Je sais pas si on l'a eu ensemble. Non, je sais pas. Mais ceci dit, par Non, on exemple, n'en a quand pas je... débattu, mais Par je me exemple... souviens d'avoir parlé avec toi. Ah. Parce que, par exemple, quand je vais en voyage... Je vais regarder des musées d'art, par exemple. Et même si j'ai pas la même sensibilité que quelqu'un qui connaît l'art, au moins j'essaye de faire quelque chose de différent, tu vois. Et je pense que plus tu fais de choses différentes, plus tu t'élèves globalement, tu vois. Ça veut pas dire que t'es quelqu'un de meilleur, attention, hein, je suis pas en train de poser comme ça, des équilibres entre les gens. Tu vois, c'est un petit peu les gens qui vont jamais dans les musées, tu vois. Fais l'effort, quoi. Une fois par année, deux fois par année, va dans un musée. Ça va peut-être t'emmerder, mais tu vas sûrement voir des trucs que t'as jamais vus, puis apprendre des choses. Puis si t'as envie de regarder du foot le reste Ouais, du temps, mais c'est pas putain, vraiment s'il y a grave. foot aussi. Ouais, mais on retombe Ouais, sur mais le si, il truc y a du. foot. Ouais. Fais pas. S'il y a foot, on peut pas. Effectivement, il y a des choses importantes, des choses qui sont pas importantes. Et pour info, J'ai rien contre les joueurs de foot, et moi, moi, je fais contrairement à même toi. Mais l'effort. bon. Je fais même l'effort de regarder des matchs de foot, hein. Tu vois? Ça n'a pas de sens. Pour essayer de comprendre pourquoi les gens trouvent Pourquoi? ça Quoi? intéressant. Comment c'est pas? Tu l'étudies? Tu étudies le match de foot, ok. Non, mais parce que tu vois, par exemple, le hockey, c'est un truc qui me parle pas vraiment, mais quand tu vas regarder un match de hockey, parce qu'en Suisse on fait du hockey, c'est plutôt marrant, tu bois des bières, tu rigoles, machin, je comprends tout à fait ce qui. Les gens qui vont voir du foot, ils font la même chose, et puis ils sont contents, ils sortent, ils ont amené leur gosse ou je sais pas quoi. Oui, mais c'est le caractère monomaniaque de, encore une fois, des extrêmes. Ouais. Bah alors, t'as pris l'exemple du foot et t'as tapé sur les footballeurs, non, pas sur les supporters de foot. Bah, les footballeurs sont pas franchement des gens qui ont inventé des trucs incroyables. Quoi, parce que... non bah, je suis désolé, regarde. Tu te remets une couche. Regarde des joueurs de foot, excuse-moi. Alors moi j'essaye de t'arrondir le truc et toi t'en remets une couche. Ben je te laisse t'enfoncer. Allez vas-y, démonte un peu les joueurs de foot. Ben tu vois. Et les honnêtement, si je te dis aujourd'hui t'as l'occasion d'aller faire un dîner avec un joueur de foot, ouais bon toi t'es une fille tu vas craquer, ils sont mignons, bon ça ne compte pas. Mais non, moi si... je préfère les mollets des rugbyman. À rugbyman ça, j'aime déjà mieux ça. Tu vois il y a des barbus et tout avec des cheveux longs. Non mais après ça c'est une question de feeling. J'aime pas les sports collectifs en général, donc. Non mais par exemple si j'avais individualiste, si j'avais l'occasion d'aller faire un dîner avec un footballeur ou n'importe quel sportif, ou d'aller avec quelqu'un de scientifique, par exemple, je vais choisir toujours le scientifique. Parce qu'à mon avis, il a des choses plus intéressantes à raconter. Le scientifique, ça va pas être intéressant de le regarder jouer au foot, mais ça va être intéressant de discuter avec lui, tu vois. On a eu l'occasion, par exemple, avec Podcast Science, quand c'était au CERN, j'étais à la même table qu'un des gars qui a construit le CERN et tout ça, c'est quand même extraordinaire. Alors moi, je trouve ça extraordinaire. Il y a peut-être des gens qui s'en foutent, hein. Peut-être les joueurs de foot s'en foutent de ça, j'en sais rien. Oui, je troll. Mais j'espère qu'il y avait des supporters de foot qui sont venus au CERN avec lui. Hein. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est le caractère monomaniaque et des fois problématique. Et on est dans un monde où on pousse pas forcément vers la diversité, tu vois. Encore une fois, au niveau des arts, à tous les niveaux, on favorise pas tellement, tu vois, la musique pop est globalement toujours la même, par exemple. Il faut faire l'effort, je pense, d'écouter de la musique du Japon, même qu'on n'aime pas ça, mais pour se dire que ça existe et qu'au final, c'est intéressant. Et tu vas peut-être tomber quand même sur une ou deux musiques qui vont te plaire, tu vois. Mais si tu fais que écouter de la pop, fondamentalement, tu n'as pas de culture musicale, tu vois. Ouais. Est-ce que ça équilibre le truc? Non, moi, c'est bon, ouais, je te... Tu me laisses couler, c'est ça? Ouais. Ouais, voilà, tu vois, alors je sais plus dans quelle partie du podcast qu'on a enregistré et qu'on a refait, on parlait de ce qui était politiquement correct ou pas, et de ce qui était... Indiffusable ou non. Ouais, ça, ton truc sur le foot, j'aurais jamais dit, quoi. Parce que moi, j'ai toujours envie d'être... je sais pas, c'est pas que j'ai envie d'être lisse ou que j'ai envie que ça plaise à tout le monde, c'est pas ça, mais... je veux toujours blesser personne. Donc, alors attention, je vais dire un truc encore plus trollesque. À mon avis, le joueur de foot définitif, comme je l'ai décrit, n'écoute de toute façon pas de podcast. Oh, c'est, okay. Je te le souhaite. Non. Mais je me le souhaite, parce qu'en plus, ce que tu es en train de dire là, moi, je vais le publier sur mon flux. Donc en plus, les retours et les insultes vont venir sur... C'est pour ça que je suis équilibré sur mes podcasts, mais pas sur ceux des autres, ça n'a aucun sens. Non mais c'est aussi un truc un peu triste, tu vois, je trouve, notamment au niveau du podcasting. Je pense que si on faisait des études de population, tu vois, etc., on aurait globalement souvent le même type de personnes qui écoutent des podcasts. Et c'est dérangeant parce que c'est généralement le même... Alors, je fais des gros amalgames, hein. Mais ça va être généralement les gens qui sont intéressés à plusieurs choses, ça va être généralement des gens qui recherchent des informations, justement. Parce que si tu recherches pas d'informations, tu vas pas écouter de podcast, clairement. Non, tu tombes jamais là-dessus. Mais non, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Les gens aiment. Bah, alors, quand je dis les gens, c'est... Oui, sûrement pas une majorité. Enfin, j'en sais rien en fait. Je sais pas. Je dis ça, mais quand tu vois l'audience des podcasts et l'audience de la télé, du coup, une partie, aime ce qui est facile et ce qui est. Voilà, il y a plein de personnes qui ont déjà tiré leur journée de boulot et il y a pas d'effort à faire sur ce qu'il leur reste de temps avant d'aller au lit ou je sais pas quoi. Le temps libre. Mais c'est pour certains, c'est repos. Et s'il y a quelqu'un pour penser à notre place, pour agir à notre place, putain, c'est reposant, quoi. Et ça, je suis désolée, mais je le remarque trop souvent avec des personnes que je côtoie, quoi. Non, et je pense que même nous, mais on le fait aussi, mais je pense qu'aussi on doit faire des efforts, tu vois. C'est vrai que quand tu rentres le soir, c'est vrai que je lis des bouquins d'anthropologie pour mon podcast, par exemple. Il y en a qui sont plutôt ardus. Quand tu rentres le soir, t'as pas nécessairement envie de le lire. Par contre, justement, ce que je reproche, c'est que tu ne fasses pas l'effort de lire au moins une demi-heure. Alors moi, je le fais parce que j'ai un podcast, etc. Mais ouais, le fait de chaque fois... Rajoute-toi une femme et deux gosses. Ah, mais j'en ai pas et c'est pour ça. Ouais, non, mais voilà. Mais, et là, tu vas te dire, est-ce que je vais lire un bouquin d'anthropologie ce soir? Non, mais... c'est bon. Foutez-moi la paix, je veux juste dormir. Ouais, il est encore pas l'heure de dormir. Ok, je vais poser mon cul devant la télé. Je vais allumer n'importe quel truc qui me repose. Et après, je vais au lit. Non, je suis d'accord. Et de ce point de vue-là, c'est peut-être notre façon de vivre qui est mauvaise aussi. Si tu veux, j'accuse pas les gens personnellement d'être comme ça. C'est pas une attaque personnelle. C'est la société qui est capable de te créer un environnement qui te pousse à être comme ça. Et où, si tu veux, les gens qui essayent d'être différents sont marginaux. Alors que ça devrait être le contraire, à mon avis. On devrait... Enfin, après, c'est dans l'idéal et tout ça. Puis là, on part dans... Voilà, peut-être dans la philosophie, j'en sais rien. Mais dans l'idéal, on devrait quand même être tous assez adultes, au bout d'un moment, pour pouvoir prendre du temps. Et au bout d'un moment, il faut arrêter... Je sais qu'on est tous stressés, qu'on a tous un job. C'est vrai que j'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme, donc je peux pas comprendre cet angle-là, cette problématique-là. Et au bout d'un moment, si t'as pas un quart d'heure par jour à consacrer à quelque chose d'intelligent, ou une demi-heure par semaine, ou une heure par semaine, c'est vraiment qu'il y a un problème, peut-être, dans la façon de vivre. Tu vois, on mesure toujours... on a toujours tendance à mesurer un petit peu la progression, tu vois, dans notre vie. Et si au bout de 10 ans de ta vie, la seule progression que t'as eue, c'est que t'as un appart plus grand, que t'as un enfant qui a grandi, que t'as eu quelque chose, je sais pas, une promotion au boulot, bon, c'est très bien. Mais si ton niveau intellectuel est resté le même, voire à régresser, parce que si tu le nourris pas, ton esprit, il crève à petit feu, il y a un problème, tu vois. Après, c'est peut-être aussi dans notre façon de considérer l'humain, tu vois, de se dire que l'humain qui a réussi, c'est l'humain qui est devenu riche et pas l'humain qui est devenu intelligent. Tu vois, mais bon. Oui. C'est allé loin. Non, mais je suis d'accord avec toi et je me permets de dire ça parce que je le vivais comme ça avant. C'est-à-dire que t'es content, t'as trouvé un super job et tu passes ton temps à bosser. Quand tu rentres chez toi, tu dois t'occuper de ton foyer, de ta famille, de je sais pas quoi. Enfin bref, voilà. Tu te fais des semaines de 50 heures et avec un stress de malade parce que tu dois gérer des choses qui font partie de ton job, quoi. Mmh. Et finalement, tu t'aperçois que le peu de temps libre que tu as, c'est du temps où tu essayes de décompresser, mais vraiment tu essayes. Et finalement, tu es très content parce que la seule reconnaissance que tu as de ton taf, c'est ta paye à la fin du mois. Donc, tu es très content de cet argent. Tu penses vraiment que c'est le centre névralgique de tout ton système. Et puis, tu t'aperçois finalement que cet argent-là, en profiter physiquement, c'est possible pour acheter des choses matériellement. Tu as ce qu'il te faut, quoi. Et puis au bout d'un moment, tu t'aperçois que ce qu'il te faut, c'est pas ça, c'est du temps, quoi. Mmh. Et c'est vraiment du temps. Et je pense que ouais, il y a une grosse partie de notre société qui nous engage à aller dans ce genre de choses. Il faut avoir une grosse paye avec un super job parce qu'au moins tu seras quelqu'un de bien et tu seras quelqu'un de reconnu aussi, hein. Mmh. Ce qui est complètement con, mais c'est ça. Ta profession devient ta personne. T'es plus une personne à part entière avec tout ce qu'elle fait en dehors de son job. Tu deviens juste cette personne-là. C'est bonjour, je m'appelle un tel, je suis. Et ben ouais, quoi. Et voilà. Et pourquoi je parle de ça? Je sais pas. Ouais, juste pour dire que il y a un moment où c'est que quand toute ta vie elle tourne autour de ça, il n'y a pas de place pour le reste. Mmh. Ah, clairement, hein, je pense que c'est un vrai problème. Je pense qu'on a un problème aussi au niveau peut-être des... C'est le but. C'est le but. Et puis, c'est un modèle qu'on t'expose depuis que t'es petit, tu vois. C'est marrant, je me suis... Oui, on marche sur la tête. Pourquoi on fait ça, quoi? Je m'étais fait la réflexion une fois. Quand j'étais petit, je lisais beaucoup de Jules Verne, tu sais. Et le héros typique de Jules Verne, entre guillemets, le héros, c'est généralement un savant. Qui est, alors souvent ils sont plutôt aisés quand même, tu vois, par rapport à l'époque, mais souvent c'est vraiment plutôt des gens hyper intelligents qui ont des connaissances sur tout. Tu vois, moi, quand j'étais petit, je voulais être le capitaine Nemo, tu vois. Le gars, il a des machineries que personne ne comprend. Il va dans la mer, il connaît des secrets incroyables. Ou alors c'est Alexandre Dumas, hein, c'est pas Jules Verne, mais le comte de Monte Cristo, tu vois, qui a une connaissance incroyable, un raffinement absolument délicieux que je n'ai pas, hein. Je suis pas comme lui. Mais globalement, les héros pour moi quand j'étais petit, c'était des gens intelligents. Et alors après, ils avaient aussi des moyens. Certains, ils traversaient le monde, tu vois, etc. Ouais. Dans le monde, tour du monde en 80 jours, le mec aurait pas pu le faire. Mais le mec, il avait une fortune avant, il l'a vendue, etc. Mais c'était des mecs intelligents, logiques, qui faisaient des choses extraordinaires. Et moi, c'était plutôt ce que j'avais envie de faire. Maintenant, des fois, j'ai l'impression que c'est plutôt le joueur de foot ou... Tu vas pas remettre ça. Ou la star de cinéma. Ou attends, je mets de l'eau dans mon vin. Ou le... Tu vois, mais qui sont finalement des gens... Alors attention, je dis pas que hein, pour être un bon joueur de foot, faut y aller, tu vois. Il y en a pas beaucoup des très bons. Pour être un bon acteur, il y en a très peu des très bons aussi. Ça demande un travail hallucinant. Mais y a plus de chances pour moi que je puisse évoluer dans ma connaissance que dans ma façon de jouer du foot. Je sais pas si c'est entre guillemets c'est plus facile et j'ai l'impression que c'est plus utile aussi. Eh bien, alors là, du coup, je vais te faire la balance en te disant que si le foot attire tellement de personnes, c'est peut-être parce qu'il y a un intérêt à ça. Et donc, du coup, il a peut-être son utilité aussi. Son utilité, elle est plutôt claire. Hein. C'est un sport qui réunit les masses, qui permet de s'exprimer avec beaucoup d'autres gens et tout. Non, un rôle dans la société, ça en a un. Et encore une fois, je critique pas le foot. Alors, j'ai pas beaucoup d'intérêt à le regarder, tout comme je n'ai aucun intérêt à regarder des gens descendre. J'appellerai ce podcast Jonathan n'aime pas le foot. Mais je n'aime pas le ski non plus. Tu vois, par exemple, on a eu le tour de... Oh, tu aimes pas le ski. Je suis suisse. Hein. Ok, on coupe. Non, c'est bon, je veux même plus discuter avec toi. Par exemple, on avait le tour de Suisse. Tu sais, c'est un tour cycliste qui est connu. Moi, pour te dire, j'étais devant... Oui, le Tour de France ? Non, le Tour de Suisse, voyons. Ah, le Tour de France du début, excuse-moi. Oh, ça doit être aussi non, mais nul que le Tour de France. Mais il y a des gens extrêmement connus, tu vois, qui courent. J'ai le droit de vomir sur le Tour de France, là. T'as le droit. Et tu vois, moi, par exemple, alors j'étais devant mon ordinateur, j'entends un hélicoptère qui reste, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Il y a la télé, qu'est-ce qui se passe ? Je sors sur mon balcon, je vois des mecs en vélo passer devant. Bon, j'ai fait une photo pour envoyer à ma sœur parce que c'était rigolo et je m'en fous, je suis rentré, tu vois. Parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt. Après, si ça a de l'intérêt pour les gens, tant mieux. Mais encore, c'est le caractère monomaniaque qui encore une fois me pose problème, tu vois. Tout comme je pense qu'un scientifique qui fait que de la science dans son domaine particulier, qui fait que ça, c'est un mec qui est taré au bout d'un moment aussi, tu vois. Ouais. Donc je pense ça de tout, hein. À part qu'il y a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont obsédés par leur domaine scientifique que de gens qui sont obsédés par le foot, parce que c'est peut-être un petit peu plus facile d'être obsédé par le foot. Ouais, non, je tenais à dire que j'ai rien contre les gens qui font du vélo, hein. Bon, écoute. Non, mais le Tour de France, c'est quelque chose qui est quand même assez important dans mon entourage. Mm-hmm. Et j'avais beaucoup de mal à comprendre l'intérêt de ce truc, quoi. Je me disais, franchement. Ah, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Je vois pas l'intérêt de pédaler sur des routes pour faire. Ben, je comprenais pas quoi. Et puis en fait, il suffit juste d'avoir quelqu'un qui t'explique le sens plus intéressant que juste de les regarder passer et de faire le mongol à attendre la caravane qui va te distribuer des casquettes cochonou quoi. Et c'est un peu plus que ça. Donc quand on t'explique la technique, quand on t'explique les matériaux qui sont qui sont utilisés pour faire les vélos, ou qu'on t'explique le travail d'équipe, parce que moi j'avais pas compris qu'on pouvait. Je suis désolée, hein, je peux paraître con, mais j'avais pas compris qu'on pouvait faire du vélo en équipe. Pour moi, c'était un truc qui je comprenais pas. Et en fait, quand on prend le temps de t'expliquer tout ça, quand on met un petit peu d'histoire là-dedans. Ben ouais, ça paraît pas si con que ça, quoi, finalement. Avec du storytelling. Donc, je revois mon jugement. Je dis pas que ça me passionne et je dis pas que je vais faire 10 kilomètres pour aller voir ça, quoi. Je dis pas non plus que... Voilà, si je le dis, que quand il passe chez nous, putain, ça fait chier, quoi, parce qu'il coupe toutes les routes et que, et que c'est carrément casse-bonbon. Mais je le prends autrement, quoi, parce que bon, d'accord, quelqu'un de gentil a pris le temps de m'expliquer pourquoi ça pouvait avoir un intérêt, ok. Après, je dis pas que de ça là m'a... prendre un camping-car et suivre le truc, ouais, c'est comme tu dis quoi, monomaniaque du machin, ouais, je sais pas. Puis encore être là, monomaniaque encore du Tour de France, quoi, mais... ça va, c'est quoi, c'est, je sais même pas combien de temps ça dure, mais ça dure un mois. Trop longtemps. Truc, trop longtemps. Ouais. Mais bon, au pire, si tu passes un mois de ton année à regarder ouais. ça, c'est pas grave. Si le reste du temps, tu fais autre chose, tu vois. Ouais. C'est encore une fois, c'est le caractère vraiment monomaniaque des choses qui m'inquiète et qui me dérange. Franchement, il faut varier les choses que tu fais pour y voir de l'intérêt. Après, effectivement. Donc, veux dire que si je n'écoute que du colo de François, c'est pas bien. Faut pas. Faut que j'arrête. Ben forcément, bien sûr. Oh, tu veux que je décolle tous mes posters? Ah non, ça tu mais peux les garder. Mais j'ai une pièce dédiée à ça. J'habite pas chez toi, je m'en fous. Oh, oh non, j'ai une pièce pour Dalida, une pièce voilà. pour Claude François, et je suis en train de préparer un endroit dans le sous-sol pour Elvis. Alors c'est pour te dire ah, c'est quoi. Pas mal ça. Ah ouais, j'ai tu veux dire qu'il faut pas faire ça? Et tu sais que j'ai si, été. Faut, si on peut faire ça. Tu sais que faire. J'ai été dans le Sun Studio à Memphis, là où Elvis il a enregistré des trucs, et j'ai même pris un micro dans la main que lui il avait pris. Ouais, et ben je sais pas, ça doit être génial. Bah ben, pour moi bon, ça ne m'a pas nécessairement bouleversé. Est-ce plus que tant, tu vois. Est-ce que ça a changé ta vie? Ça n'a pas vraiment changé ma vie. Par contre, j'ai une photo de moi en train de chanter dans le micro d'Elvis et ouais. comme ça j'ai pu envoyer à papa et lui dire "Hey, regarde, je suis en train de chanter dans le micro d'Elvis." Ça n'a pas ça beaucoup n'a pas d'intérêt. Changé sa vie non plus. C'était mais rigolo. Il a dit c'est mon fils. Et c'était marrant, tu vois. Et voilà, c'était marrant. Voilà, mais c'est rigolo, tu vois. Et je trouve que tant que ça reste marrant, il y a pas de problème. Voilà. J'ai du mal avec l'idée l'importance qu'on donne aux personnes en fait. Tu t'entendrais bien avec Anne-Laure du coup. Quoi? Tu t'entendrais bien avec Anne-Laure, elle ne comprend pas non plus. Ah ben oui, peut-être, je sais pas, je l'ai jamais entendu parler de ça, mais un humain, je le place à égalité complète avec un autre humain. Et j'ai beaucoup de mal de comprendre pourquoi une personne devrait mériter autant d'estime que certaines personnes. Alors, que certaines personnes qu'on idolâtre. Voilà, je précise, attends, hein, laisse-moi finir. Et du coup, il y aura des personnes qui auront fait des grandes choses et des très bonnes choses pour d'autres et tout. Donc, je comprends qu'on les mette un cran au-dessus dans le sens où il en est découlé du bien pour d'autres personnes. Mais de là à estimer qu'elles ont plus de valeur que les autres, je vais prendre le côté sombre du truc. Donc, je m'éloigne du côté star et du côté foot, on s'en fout, ça, voilà. Quand t'as une personne à qui il arrive quelque chose, attends, j'ai un très bon exemple. Il y a un avion qui s'écrase quelque part, t'as 300 personnes dedans. La première chose qu'on va dire, c'est il y avait 4 Français. Ouais, enfin, si tout le monde est mort, il y a quand même 300 personnes qui sont mortes. Mais non, c'est important parce qu'il y avait 4 Français dedans. Est-ce qu'il n'y aurait pas les 4 Français dedans? Où on en parlerait peut-être, mais moins et différemment, tu vois. J'ai du mal avec ça. Tu confonds deux choses, à mon avis, qui sont... Alors, c'est vrai que la starification, comme tu dis, notamment l'idolâtrie, c'est beaucoup trop, tu vois. Ouais, passe. Ah, je suis sorti de ça, moi. Voilà, exactement. Alors ça, c'est beaucoup trop, même si pour moi, si au niveau humain, on est égaux, il y a clairement des réalisations qui surpassent les autres. Ouais, vois. Voilà, d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Voilà, il n'y a pas de mal à non plus, je trouve, à avouer que quelqu'un est meilleur que toi, en tout cas sur certains niveaux, tu vois. Ouais. J'ai pas de peine à dire que DiCaprio est meilleur acteur que moi, tu vois. Je crois que ça se voit plutôt bien. Et moins barbu. Et moins barbu aussi, quoi qu'il avait le bouc de temps en temps. Enfin bref, tu vois, j'ai aucun mal à penser que quelqu'un est meilleur que moi, en tout cas sur certains plans. Maintenant, ce que tu dis par rapport aux Français et tout, c'est un truc qui est quand même assez bien étudié. Plus c'est proche de toi et plus ça te touche quoi que ce soit. Fondamentalement, t'as quelqu'un qui a le cancer dans ta famille, qui va mourir, ça va beaucoup te toucher. Alors qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui meurent chaque année du cancer et que tu pleures pas pour chacune d'elles, et heureusement. Si tu veux, c'est un petit peu con, mais c'est comme ça. Et si on parle des nouvelles pour raccrocher au sujet des médias dont on parlait avant, c'est la même chose. Je me rappelle quand ma sœur était en Guinée-Conakry, ça parlait pas du tout dans les médias, alors que ça tirait dans les rues là-bas. Voilà. Il faut prendre en compte ça. Justement, si t'es quelqu'un de plutôt critique et intelligent, tu vas essayer, si tu peux, d'avoir des informations qui viennent de pays différents. Mais on n'a pas tous le temps de le faire. C'est pour ça que je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de regarder les informations, parce que justement, t'as qu'un point de vue et une partie des informations sur ce qui intéresse la France, en l'occurrence. Donc c'est plutôt inutile à regarder. Mais bon, c'est plutôt normal. L'humain fonctionne comme ça, quoi. Et si on prend l'exemple des États-Unis, par exemple, il y a plusieurs personnes noires qui se sont fait tirer dessus ou ont été tuées. Ça touche énormément, notamment la politique. En Afrique, autant dire qu'il y a beaucoup de noirs qui meurent tués par des balles. Pas forcément de la part des blancs, c'est vrai, mais bon, voilà. Oui, c'est triste, ceci dit, mais en soi, c'est un truc aussi qu'il faut réaliser par rapport aux nouvelles. Les gens disent, oui, les nouvelles m'intéressent. Est-ce que ça t'intéresse réellement de savoir combien d'Israéliens ou de Palestiniens sont morts hier ? Fondamentalement, intellectuellement, on sait que ça devrait nous toucher, parce qu'il y a des vrais gens qui sont vraiment morts, c'est horrible. Mais tu ne les connais pas, elles sont loin, elles sont dans des pays que peut-être même dans ton esprit, tu ne sais pas à quoi ça ressemble, ces endroits-là. Tu ne sais pas comment ces gens vivent, tu ne sais rien, donc ça te touche beaucoup moins, et ça vient... justement une information. Il y a des gens qui sont morts, voilà. Et tu l'as oublié deux minutes après que tu l'as entendu. C'est pour ça qu'on finit par une nouvelle sur Taylor Swift, sur le prochain match de baseball, et comme ça, c'est ça qui va te rester dans la tête. Tout le reste qui est dit avant, tu vas l'oublier très rapidement. C'est dommage, mais en même temps, heureusement, imagine que si à chaque personne qui mourait quelque part sur la planète, ça nous rendait tristes, comme quand quelqu'un de notre famille ou de nos amis meurt, ce serait... on se tirerait tous une balle aujourd'hui, ça serait pas vivable. C'est un petit peu froid comme façon de penser, hein, je suis conscient, mais... Non, c'est intéressant. Et c'est un petit peu ça. Hein. Et même, tu vois, j'en parlais dans le podcast sur les États-Unis, la réalité de la vie aux États-Unis, à mon avis, on la comprend pas ici, on n'a même pas connaissance de comment ça se passe. Et ça se voit dans les nouvelles même, tu vois. J'entendais, par exemple, je sais pas si t'écoutes beaucoup de podcasts comme, je sais pas, le Rendez-vous Tech ou Nip Tech, etc. Je sais pas si tu les écoutes, ces podcasts-là. Non, quand il y a tech dedans, j'évite. Ok, alors moi, j'aime beaucoup, donc je les écoute. J'irai une fois pour me faire une idée de ce que c'est, mais franchement, je me demande pourquoi j'irai, quoi. Alors, par exemple, tu vois... Mais je me trompe, hein, sûrement. Hein. Alors, il faut avoir de l'intérêt pour ça quand même, mais tu vois, par exemple, il parlait de tous ces systèmes de réalité... Écoute que des podcasts de foot. Oui, ben, je sais pas s'il y en a. j'ai jamais cherché, j'avoue. Il y en a forcément. Il y en a. Il y a des podcasts sur tout. Donc il y en a. Il y a des podcasts sur tout, effectivement. Ah oui. Ceci dit, pour revenir sur. Qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Tu voulais dire que dans Nip Tech, il y avait quelque chose. Oui, voilà, par exemple. Tu vois, par exemple, un exemple où on oublie les réalités des pays desquels on parle. Il y a Google qui a sorti, tu sais, ce système qui permet de mettre ton smartphone dans une sorte de boîte en carton et tu peux voir en 3D autour de toi. Oui. C'est plutôt extraordinaire. Ça s'appelle, je sais plus, Box quelque chose ou je sais plus quoi. C'est plutôt bien. Effectivement, le truc coûte une trentaine de dollars, le truc en carton, etc. Ils ont présenté un truc plutôt sympa, c'est une caisse en bois, en carton, justement, carton. Où t'as des Nexus à l'intérieur, donc les téléphones tu mets une de lentille. Google. Voilà, t'as deux lentilles devant les yeux. Ils ont dit, c'est génial, vous pouvez amener vos classes, par exemple, vous parlez de la muraille de Chine, vous les amenez en Chine, les gamins, ils peuvent se tourner dans tous les sens, le prof peut montrer, vous voyez, là, il peut faire une flèche sur un rempart, etc. C'est extraordinaire. Et pour te dire, même au point où on est détaché de la réalité. Je ne sais pas si tu connais This Week in Tech. C'est un podcast américain sur la tech, donc a priori. Ah oui, je les ai tous écoutés. Et où ils disaient tous, c'est génial, machin et tout. Puis à un moment, Léo Laporte, il dit, donc qui est celui qui dirige un petit peu. Je crois que c'est lui qui a dit, ben, j'ai discuté avec. Je crois même que c'était une invitée dans le podcast, je ne me rappelle plus vraiment. Enfin, qui dit oui, mais. On est en train de parler de ça, c'est génial, emmener les enfants en 3D, mais vous êtes au courant qu'aux États-Unis, il y a des classes où il n'y a pas assez de chaises ? Vous êtes au courant qu'aux États-Unis, il y a des écoles où il n'y a pas assez de livres à acheter pour les élèves ? Vous êtes au courant qu'il n'y a pas assez de professeurs, qui sont 40 par classe ? Puis là, silence. Ouais. Ben ouais, il faut avouer que des fois même dans ton pays, t'es déconnecté de la réalité. parce que tu parles de tech, parce que c'est génial de voir des trucs en 3D qu'on a tous envie de l'avoir à l'école, mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Et ça rejoint un petit peu de ce que tu dis, la réalité entre ce qu'on sait, ce qu'on voit, ce qu'on nous enseigne à la télévision et tout, c'est très compliqué. Et à quelque part, heureusement quand même, qu'on sait pas tout et qu'on prend pas à cœur forcément tout ce qu'on entend. Parce que la vie deviendrait peut-être compliquée, tu vois. C'est une bonne manière de finir un podcast. Non, c'est des thématiques un petit peu lourdes, mais ouais. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, j'ai pas pensé au truc là comme ça. Donc. Mais c'est compliqué. Après, c'est vrai que j'ai un petit peu voyagé, tu vois. Après, si tu vas, t'arrives au... Tu vois, par exemple, tu parles des médias, etc., puis de ce que ça nous touche. Je suis parti aux Philippines, je crois que c'était quelques semaines, voire un mois après l'ouragan qu'il y avait eu. Tu sais, il y avait eu beaucoup de morts, etc. Et quand t'allais là-bas, alors dans les îles où j'ai été, ça se voyait pas vraiment, qui sont venus à la capitale, parce que globalement, chez eux, ça a été rasé complètement. Et... Mmh. En même temps, toi, dans les médias, ça fait un mois que t'en entends plus parler, parce que globalement, bon, on a parlé, on a montré des photos des hôtels qui étaient cassés, on a montré des pauvres Philippins en train de pagayer en plein milieu des rues. Bon, c'est bon, on a compris, le sujet a été vendu, on est passé à autre chose. Dans les faits, les gens sont pas passés à autre chose, ça existe toujours, et encore aujourd'hui, si tu vas aux Philippines, certainement tu vois encore des réfugiés à certains endroits, parce que ça n'a pas changé, tu vois. Et en même temps, j'étais chez un Français qui avait une maison d'hôtes ou je sais pas, puis on discutait ensemble, et puis on discutait de ce qui s'était passé, et puis tu vois, tu sais que moi, il y a des journalistes français de grande télévision qui m'ont téléphoné pour me dire comment ça se passe et tout. Puis je disais, ben écoutez, moi je suis dans la capitale, il y a une petite pluie, il y a un petit peu de vent, mais il y a rien, l'ouragan il est loin, tu vois, il y a rien. Puis le gars, il lui disait, ouais, mais il y a pas quelque chose qui est cassé et tout. Puis qu'est-ce que vous voulez qu'il se casse? Il y a juste de la pluie, quoi. C'est juste normal. Il y a des gens qui meurent à quelques centaines de kilomètres, mais là, on est tranquille, quoi. Mmh. Et le journaliste qui essaye d'insister, qui disait, ouais, mais vous pouvez pas raconter un truc, je sais pas, quelque chose qui s'est envolé, machin. Il faut avouer que les journalistes, ils cherchent à raconter des histoires, et quand il y en a pas, ils sont obligés d'en créer. Puis voilà. Et puis c'est comme ça pour beaucoup de choses. Et puis nous, on n'a qu'une perception légère des endroits où. Bon, on va, puis quand tu voyages, tu remarques ça, puis voilà, tu te mets à relativiser aussi, quoi. Mais c'est normal que ça nous touche pas la même chose, des gens qui meurent aux Philippines, que quelqu'un qui meurt dans ta famille, c'est normal. Oui, heureusement, c'est logique. Et ça veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui est plus important que l'autre, si tu veux. Oui. Ça te coupe. Je suis en train de réfléchir en même temps au truc. Alors peut-être que l'exemple que j'ai pris n'était pas forcément le bon, mais je veux pas te contredire, parce que je pense que ce que tu dis est juste. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Après, encore une fois, c'est pas tout le temps comme ça, tu vois. Mais c'est quand même souvent comme ça. Sinon ? Sinon quoi d'autre ? Bon, ça va. Sinon ça va, ouais, écoute, on va bien, il est minuit et quart et on parle de gens qui meurent avec oui. Tout le monde. Il est minuit et quart et t'es encore pas au lit, mais qu'est-ce que c'est ? Non, mais on peut dire un moment encore, t'inquiète pas. Mais oui, c'est des sujets intéressants, après, qui sont pas forcément évidents à aborder, parce que ça rentre dans le perso, c'est dans l'émotion et tout ça, voilà quoi. Et donc elle dit quoi, Anne-Laure ? Tu m'as dit, Anne-Laure dit la même alors, chose. Anne-Laure, on a eu une discussion houleuse avec elle et puis Julie quand on était à Paris. Houleuse, carrément. Ouais, parce qu'on n'a pas le même avis, mais elle a le même avis que toi, en fait, que tout le monde a la même importance et que du coup, elle comprend pas du tout, tu vois, par exemple, quand on parle de Steve Jobs ou de Mark Zuckerberg, alors moi je parle des gens dans la tech plutôt, tu vois, mais ou de gens qu'on dit qu'ils ont fait des choses ou qui ont eu des vies extraordinaires, elle aime pas trop ça. Et puis moi, je suis de l'avis qu'il y a quand même des gens, c'est pas parce qu'ils sont forcément des génies ou qu'ils sont plus importants que les autres, mais il y a eu un timing, il y a eu une corrélation de choses qui se sont passées qui leur ont permis de changer certaines choses dans le monde, et c'est ce qui en fait des gens qui ont eu une importance plus grande que les autres. Ça veut pas forcément dire que c'était des gens bien, ni des gens agréables, ni que t'aurais passé non. un bon moment mais avec, contre, mais ils ont changé. J'aurais tendance à estimer qu'ils méritent le même traitement que tout le monde et non pas un traitement plus favorable, tu vois. Bah, non, parce que personnellement, lire la vie de, je sais pas, de Jean-Claude, mécanicien, je sais pas, ça m'intéresse pas vraiment. Lire l'histoire de la vie de Steve Jobs, ça m'intéresse. Parce que le mec a eu une importance sur le monde plus grande, tu vois. Il faut vivre avec, si tu veux. Ça n'empêche pas que Jean-Claude a été un mari exemplaire, un père admirable, qui a vécu longtemps, a eu beaucoup d'enfants, a voyagé, a été un mec mille fois plus parfait que Steve Jobs, par exemple. Mais fondamentalement, voilà, il a rien fait d'extraordinaire non plus. Voilà, donc c'est mon avis. Après, il y a des gens qui ont changé des écoles de pensée, par exemple, tu vois, qui ont une importance hallucinante, je sais pas, même au niveau de l'art, tu vois, t'as des gens qui ont tout d'un coup commencé une nouvelle forme d'art ou un nouveau style, et voilà, ça a été les premiers, ça a été les plus grands, ils ont un nom qui est plus grand que les autres. Là-dessus, sur la reconnaissance de ce qu'ils font, oui, d'accord, je te rejoins, ok. C'est après sur le... Ah, mais pourquoi on n'a pas dit à Anne-Laure de venir aussi? Ce serait plus simple. T'aurais pu l'inviter, hein. Je pense que j'arriverai pas à développer cette idée, donc... Donc tu la laisses tomber. Ouais. Pauvre idée. Oh. Elle va mourir. Personne ne saura jamais ce que tu voulais dire, c'est triste. Ben, tu vois, c'est quand tu vas dans un... quelqu'un qui sera malade sera pas peut-être soigné de la même façon selon son importance, tu vois, sur un principe égalitaire où la santé doit être la même pour tout le monde. Oh là là, là ça va me poser un problème, par exemple. De toute façon, après, fondamentalement, je pense que tout le monde a la même valeur, mais c'est pas vrai, en fait, dans la réalité dans laquelle on vit. On aimerait, quoi. C'est pas vraiment vrai. Et si tu veux, je pense même qu'à certains points, c'est logique. Moi, je le prends l'exemple avec moi. Je suis pas quelqu'un de célèbre, je fais rien d'extraordinaire, je suis seul. Je suis triste, mais je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Si je suis à l'hôpital, j'ai besoin d'une transplantation de cœur, qu'à côté de moi, il y a un mec qui est marié, qui a deux enfants. Je trouve tout à fait normal que ce soit lui qui l'est. En soi, c'est pas parce que c'est quelqu'un de meilleur, ni que sa vie a forcément plus d'importance, mais de sa survie ou non, il y a plus de gens qui dépendent. Donc, prends le cœur et laisse-moi mourir, c'est triste, mais c'est moins grave. Et tu peux mettre ça en parallèle avec beaucoup d'autres choses. Il y a des gens, même si on idéalise beaucoup le truc, tu vois, mais la personne qui étudie le cancer depuis des années, qui s'avère avoir un gros problème de santé, on va peut-être l'aider en se disant, ben, peut-être que c'est elle qui va trouver le remède contre le cancer, donc ça vaut plus la peine de la sauver. Et de toute façon, ça aussi c'est un truc un petit peu hard, mais de toute façon on le fait déjà, tu vois. Encore une fois, quand tu voyages en Inde, c'est clair que la vie de tout le monde n'est pas la même valeur dans les faits, si tu veux. Parce que toi, t'es un touriste, t'es venu là en vacances, et à côté, il y a des gens qui meurent de faim. De toute façon, la vie n'a déjà pas la même valeur à la base. C'est triste parce que je n'ai rien fait pour être suisse et pour avoir de l'argent pour voyager, tout comme cette pauvre personne en train de mourir de faim n'a rien fait pour mourir de faim. Mais dans les faits, elle va probablement mourir de faim, et moi, a priori, il y a moins de chances dans la situation actuelle si ça continue. C'est triste, c'est horrible, mais c'est une réalité. Ça veut pas dire que c'est parce que c'est une réalité qu'on doit pas lutter contre cette réalité, essayer de la changer si on peut, mais il reste que c'est une réalité. Ceux qui nous écoutent habitent Paris, vous savez très bien que la vie d'un SDF a beaucoup moins d'importance que votre vie de personne qui avait une famille et qui avait un travail. Voilà. Et si vous disparaissez, on va vous rechercher. Si un SDF disparaît, tout le monde s'en fout. C'est triste, c'est dégueulasse et c'est pas juste. Mais dans les faits, c'est comme ça. C'est un peu hard encore. Oui. Comment ? C'est un peu hard, je suis désolé, mais... C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose qui, quelque part, me révolte un peu. C'est révoltant. Et la façon dont tu présentes le truc et la façon dont tu l'exprimes, déjà, ça donne l'impression que tu as déjà pensé et que tu as déjà... retourner cette idée Ah ben, tu sais, c'est à... moi, je me rappelle toujours quand j'étais petit, en Suisse, je viens d'une ville, mais qui serait appelée un village, peut-être, hein, de 14 000 habitants, tu vois, donc très petit. Je dis pas qu'on n'avait pas de pauvres, parce que c'est toujours faux de dire qu'il n'y a pas de pauvres. Il y a toujours des gens qui sont un peu en galère. Mais on n'avait pas de gens, des SDF et tout ça. Et je me rappelle la première fois, alors je suis désolé, c'était en France, où j'ai vu un SDF dans la rue et je n'ai pas compris, en fait. J'ai pas compris le concept qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas assez d'argent pour avoir une maison, et s'il n'a pas d'argent pour avoir une maison, pourquoi il n'y a personne qui l'aide? C'est un truc que je ne comprenais pas quand j'étais petit. Et quand t'es en Inde, mon premier grand voyage c'était en Inde, c'est violent, c'est très violent. Tu te poses beaucoup de questions sur toi, sur l'humanité, sur les gens qui t'entourent. C'est difficile. Pourquoi lui il est dans la rue et moi je suis à l'hôtel? C'est pas juste. Alors là, dans le voyage en Inde, c'est vrai que j'avais pas énormément parlé avec les gens, je savais pas vraiment beaucoup l'anglais et tout, mais quand t'es aux Philippines, que tu discutes avec un gars dans un village, dans la montagne, qui vient d'un village où t'as des poules et du riz, hein, qui n'est pas une vie horrible, attention, hein, qui n'est pas une vie détestable, mais le mec qui dit, ben voilà, le gouvernement, il a arrêté les aides, du coup, retour au village, je peux plus continuer mes études, ben voilà. Pas juste. Quand tu discutes sur la plage avec des jeunes qui ont 14, 15 ans, qui ont jamais été dans le village d'à côté parce que ça coûte trop cher, qui sont fils de pêcheurs, qui seront pêcheurs eux aussi, qui peuvent pas aller à l'école à la capitale parce que c'est trop loin et c'est trop cher. Toi, t'es là, t'es à l'hôtel, chez son père, tu vois. T'es obligé de te poser beaucoup de questions. Enfin, c'est les voyages, j'aime beaucoup voyager, mais c'est toujours très dur. En voyageant et en rentrant. Quand j'étais aux États-Unis, tu vois, par exemple, il y a eu la tuerie de Charleston il n'y a pas longtemps. En arrivant à Charleston, j'étais dans mon bus, on tourne autour d'un rond-point, je crois que je l'ai expliqué dans un podcast, je ne me rappelle plus. Je radote, hein, je m'excuse pour ceux qui m'écoutent beaucoup. Je vois des espèces de tentes, des gens qui habitent là, j'ai été choqué. C'est normal d'être choqué, je pense. C'est injuste, mais c'est comme ça. En fait, on peut essayer de changer les choses après. Hein, ouais, non, mais parce que quand on t'entend comme ça, tu parais presque résigné. Ben écoute, tu t'écouteras les prochains entrepodcasts qui sont pas forcément hyper positifs là-dessus. On a parlé des camps, par exemple, qui est en Syrie, etc. Mais il faut avouer que c'est vraiment pas évident, qu'il y a beaucoup de business là derrière, de toute façon. Et dans les faits, je pense pas que moi, Jonathan, je peux changer ça. Je peux essayer de pas faire partie des connards qui font semblant que ça existe pas. Je peux essayer d'en parler d'une certaine manière pour montrer que ça existe et montrer peut-être certaines injustices entre grosses guillemets. Hein. Le monde ne m'attend pas pour découvrir la vérité. Ouais, après, c'est vraiment, je pense personnellement qu'on peut changer les choses. Ça m'est arrivé des fois de discuter avec des gens dans la rue et moi, j'avais pas tilté que c'était des SDF, tu vois. Mais au point où je disais, ouais, bon, bah écoute, moi, je retourne là-bas. Et puis toi, tu fais quoi? Ben moi, je reste là. Ah ouais, tu fais quoi? Ben ouais, ben le mec, il a pas de maison, il reste là. Mais moi, j'avais pas tilté, tu vois. Je suis grave des fois, tu vois. Des fois, je suis un petit peu trop innocent et des fois, je suis un petit peu trop froid. Je tends entre les deux côtés. C'est on est dans un monde comme ça, malheureusement. Et je pense que, tu vois, tu peux voir l'aspect négatif. Il y a quand même un petit peu de positif là-dedans. C'est justement de pas ignorer la chance qu'on a. J'ai l'impression des fois d'être entouré de gens qui se plaignent. Ils se plaignent qu'ils sont mal payés, ils se plaignent qu'il pleut, ils se plaignent que le train il est en retard de 3 minutes, ils se plaignent parce que la bouffe elle est dégueulasse, ils se plaignent parce que leur femme la saoule ou je sais pas, parce que leur gamin crie ou j'en sais rien. Et moi, des fois. Parce que leurs enfants dorment pas. Parce que leurs enfants dorment pas. Non, mais encore une fois, tu vois, c'est le plus gros problème, c'est celui que t'as personnellement. C'est pas celui que quelqu'un d'autre a. Mais moi, dans ma vie, j'essaye justement. Tu vois, des fois, quand je commence à être un petit peu négatif, de me dire, hey, tu te rappelles du mec que t'as vu là-bas? Tu te rappelles de. Ouais, il y a de la marge, hein, Jonathan. Ça s'appelle relativiser, du bon côté, quoi. Relativiser, c'est un petit côté des fois. Relativiser, c'est quand même un petit peu défaitiste. C'est genre de dire, je suis dans la moyenne. Ouais. Mais non, c'est faux. On n'est pas dans la moyenne. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas dans la moyenne. Je suis dans le haut, moi. comparé à ces gens-là, on est tous dans D'accord, ouais. Tous les gens qui écoutent ce podcast sont dans le haut. Ne serait-ce que parce qu'on a du matériel pour pouvoir écouter du podcast. Que je veux dire, il y a combien de milliards de personnes qui vivent avec moins d'un dollar par jour ? Et tu crois qu'eux, ils ont un iPod ou qu'ils ont un iPhone pour écouter des podcasts ? Je crois pas. Hein. Donc justement, le fait de voir cette chance qu'on a, c'est un point positif, je pense. Non ? Ouais, ben... Écoute, je te remercie de m'avoir plombé le moral ce soir. C'est un petit peu hard à... Ouais, mais tu vois, par exemple, ça, c'est des choses... Mais non, je dis ça en plaisantant. C'est pour détendre l'atmosphère. Ah ouais. Et que je suis quand même un petit peu... Hein. Ouais, un mais... Un petit peu lourd, là, quand même. Hein. C'est lourd et en même temps, justement... alors, c'est peut-être pour ça, des fois, qu'on aime bien les infos, parce que ça passe en 3 minutes, alors que quand t'as quelqu'un qui te raconte ça, ça passe plus long. Et donc, du coup, tu te mets plus dans l'ambiance et c'est un petit peu plus dark, tu vois. Parce que, je te rassure, aux infos, tu vois des gens morts, etc. Donc, c'est aussi très trash, tu vois. Mais tu l'oublies très vite, parce que c'est pas aussi personnel. Mais c'est vrai que quand tu le vis, c'est différent. Et... Il y a toujours plusieurs façons de réagir à ça. Alors après, avec les gens qui sont vraiment trop dans la dèche, c'est très compliqué. Mais en même temps, t'as l'âge. Tu vois, c'est vrai que quand tu discutes encore une fois avec des jeunes sur la plage aux Philippines, tu te dis, ces mecs, ils ont quand même pas beaucoup de chance d'être là où ils sont. Et en même temps, tu passes un moment extraordinaire. Parce que tu bois du rhum iced tea, tu rigoles, tu leur montres des photos de montagne, tu leur fais écouter de la musique de chez toi, tu rigoles, tu bois, tu finis à 4h du matin, tu vas te coucher le lendemain matin, ouais, salut. En fait, c'est cool, pour eux c'est cool aussi. C'est, si tu veux, au fond c'est un truc positif, même si après ça te trotte dans la tête qu'ils ont quand même pas forcément beaucoup de chance comparé à toi, mais ça reste des moments humains qui sont extraordinaires, franchement. C'est plus positif, non ? Oui, un petit peu. Non, mais vraiment. Et c'est pour ça qu'il faut voyager aussi, je trouve, parce que ça te met chaque fois en question sur ta propre vie, ta propre pensée, etc. C'est hyper motivant, franchement, justement. Alors là, je vais vraiment très très loin, tu vois, mais oui. Je pense que parmi ces jeunes, Internet est aux Philippines, par exemple. Alors c'est très léger, ça marche pas beaucoup. Faut dire qu'à certains endroits, t'as pas l'électricité toute la journée parce que ça coûte trop cher, tout comme en Afrique, etc. Mais je pense que quand je dis on, c'est aussi les podcasteurs, on a peut-être un certain rôle à jouer. C'est-à-dire que ces gens-là, globalement, je crois que va y avoir, je sais plus si c'est 2016 ou 2017, je crois qu'il va y avoir 1 milliard et quelques de personnes en plus sur Internet qui viennent essentiellement des pays qu'on dit du tiers-monde, ce que je déteste, mais voilà, comme ça, l'image est la même chez tout le monde qui écoute. Ça veut dire que je crois qu'il y a à peu près 30% de personnes en plus qui vont se trouver sur Internet dans les 2 ans qui vont suivre. Ces gens-là vont arriver, et ça colle bien avec le début du podcast, vont arriver sur un Internet qui est rempli de caca aussi, faut l'avouer, qui est rempli de vidéos de chats. Ils vont sans doute rigoler, comme nous, j'espère, qu'ils vont prendre un bon moment à regarder ça. Mais notre rôle aussi, je pense, peut-être plus sur entre podcast que sur VoyageCast, c'est qu'on peut leur offrir gratuitement quelque chose qu'ils doivent payer actuellement. Tu vois, un Philippin, alors bon, il parle pas français malheureusement, mais un Philippin qui s'intéresse à l'anthropologie seul dans son village, il va devoir aller faire des études, par exemple. Ça va être compliqué. Mm-hmm. Par contre, alors... Mais l'éducation coûte cher, de toute voilà. façon. Forcément, et dans le... si tu regardes le côté... primaire des besoins d'un homme, c'est manger et avoir un toit sur la tête. Exactement. Donc, ça va être ça qui va être la priorité. Et après, il y aura... S'il reste quelque chose, alors peut-être on va imaginer et aller sur des autres options. L'éducation n'est pas du tout une priorité pour certains parce qu'ils ne peuvent juste pas. Exactement. T'en as une partie comme ça, effectivement. Alors pour eux, ça va être très compliqué. Mais je parle plutôt de tous ceux qui sont... ils n'ont pas assez d'argent pour faire des études ou pour faire... pour avoir de la connaissance. Par exemple, typiquement Wikipédia, tu vois. Avoir une encyclopédie, c'est très cher. C'est déjà très cher pour nous. Là, en l'occurrence, ça ne demande que une connexion Internet. Ce qui est déjà de l'argent, probablement à certains endroits, etc. Mais c'est physiquement et matériellement beaucoup plus possible de livrer Internet à 1 milliard de personnes que de livrer des encyclopédies à 1 milliard de personnes. Et ça coûte peut-être ironiquement moins cher d'amener Internet. Et je pense, alors c'est très idéaliste encore une fois comme façon de voir, mais que nous, en tant que podcasteurs, on peut avoir une certaine importance parce que finalement on offre du contenu qui est gratuit. Alors les gens d'ici le payent pas parce que c'est gratuit puis qu'ils n'ont pas l'habitude de payer sur internet, c'est leur problème, même s'ils pourraient payer. On va livrer, enfin on livre cette information à tout le monde, aussi dans des endroits où les gens ne peuvent pas payer. Et tu vois, après, est-ce que ça va se passer vraiment? Je ne sais pas, mais si on reprend l'exemple de Temporium, un podcast sur l'histoire, j'imagine que pour quelqu'un qui n'a pas l'argent de s'acheter des bouquins, pas forcément, si dans l'idéal il arrive à écouter un podcast, ça va pas le rendre historien, mais ça va lui faire apprendre des choses qui ne sont pas de son pays, et c'est extraordinaire. Imagine quelqu'un qui écoute tous les podcasts science. Tu deviens pas scientifique, hein, attention. Je sais pas, ils sont à 180 numéros, je sais pas. Imagine la dose de connaissances que tu te prends gratuitement. C'est extraordinaire. Et c'est pour ça que je pense que ce qu'on fait, ça a de l'importance, entre grosses guillemets, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Je trouve ça a une dimension qui est vraiment intéressante, tu vois. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on touche plutôt la France, le Canada, les pays francophones comme ça. En français, ça va plutôt être une grande partie de l'Afrique qu'on risque de pouvoir intéresser. Une partie qui est déjà connectée, hein, mais une grande partie qui ne l'est pas. J'ose espérer qu'on aura un petit rôle à jouer. Et quand je parle de nous, c'est les podcasteurs, les blogueurs, etc., qui peuvent apporter autre chose et qui, pour le coup, ne sont ni des télévisions d'État, ni des radios d'État, qui sont souvent plus graves, notamment dans les pays africains, où c'est encore... Pour le coup, c'est vraiment plutôt manipulé par le gouvernement, encore plus qu'en France, etc. Tu vois, donc, le fait d'avoir une information libre, c'est plutôt intéressant pour ces pays-là, je pense. Après, c'est peut-être un vœu pieux et ça ne va absolument rien changer, mais... Mais un truc qu'on peut faire. On ne sait jamais. C'est un truc qu'on peut faire, tu vois. Je trouve ça intéressant. Tu te sens investi d'une belle mission, quoi. Oui, bon, je dis ça, c'est joli. Oh, hein, voilà. J'y crois pas forcément. tu vois, dans le sens où je suis réaliste quand même, mais tu vois, je crois que j'ai déjà dit aussi, mais je radote parce que je deviens vieux. On avait discuté une fois avec Clément Burel, où on avait fait un podcast justement Voyage Cast sur prendre des photos, etc. Et on avait dit finalement, si dans le podcast on arrive à faire changer ou réfléchir une seule personne, c'est déjà bien. Et peu de temps après, on avait reçu un mail. Ben tiens, vous avez parlé du Machu Picchu. Votre avis là-dessus, il est super intéressant et tout. Je ne sais toujours pas si j'irai le visiter ou pas, parce que je sais pas. Il faut que je réfléchisse. Mais vous avez donné un angle que j'ai vu nulle part d'autre, accessoirement. Ben voilà, on a déjà fait quelque chose, tu vois. C'est très petit. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que changer les personnes une par une, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. mais c'est déjà quelque chose. Ouais, ouais, d'accord. J'ai envie de rajouter quelque chose. J'ai peur de dire une grosse connerie. Mais vas-y. Mais toi, moi, j'ai du mal avec l'idée de partir comme ça... assez loin, dans un pays où les choses coûtent beaucoup moins cher que nous. J'ai l'impression de profiter, j'aurais l'impression de profiter de la pauvreté d'un truc pour me gaver et profiter du soleil et rentrer chez moi en disant waouh, avec mon argent j'ai pu profiter. Enfin, ça me pose un problème de conscience en fait. Donc, ouais. C'est des pays qui m'attirent pas pour ce côté-là. Qui vont m'attirer forcément pour le côté culturel, mais en même temps, je me dis que je vais profiter et j'ai pas envie d'être complice d'un espèce de système comme ça où tu vas aller être tout content. Ouais, je peux me payer un resto pour 1 euro et ouais, ça me pose un problème quoi. Après, ouais. Là, je suis peut-être en train de dire une bêtise. Non, pas du tout. Je suis tout à fait de ton avis. Ceci dit, ça dépend vraiment de ta manière de voyager. Alors après, tu peux dire aussi que je m'achète une bonne conscience, entre guillemets, et c'est peut-être vrai sur certains points de vue. Personnellement, quand je voyage au sac à dos, en solo, bien sûr. Enfin, je voyage avec des gens où je rencontre aussi des fois, tu vois. Mais quand je vais dans des endroits, par exemple, je vais pas dans un hôtel d'une chaîne, par exemple. Parce que du coup, l'argent que tu vas y dépenser va arriver dans un groupe américain ou européen ou chinois, j'en sais rien, mais pas aux gens de l'endroit. Par contre, par exemple aux Philippines, tu vois, pour te reparler du coin où j'étais avec ces jeunes-là, j'étais dans la maison d'hôte du gars. Donc le gars, il a fait marin pendant... et tu vois, en soi, déjà rien qu'en me disant ça, tu vois déjà que je consomme pas l'hôtel comme certaines personnes le font, tu vois. Moi, le gars, on a parlé, on a bu une bière ensemble, avec le proprio, tu vois, où il m'a raconté sa vie, il a été marin aux États-Unis pendant longtemps, pendant 25 ans, pour se mettre de l'argent de côté, pour pouvoir, avec le terrain de ses parents et, des parents de sa femme, construire cette maison d'hôte. Et en soi, ils ont... Alors lui, par exemple, en l'occurrence, a besoin de touristes, si tu veux. S'il n'y a personne qui vient, oui, son truc sert à rien, il n'a pas d'argent. Et c'est dans des endroits, alors par exemple là, c'était à El Nido, où à part être pêcheur ou travailler dans le tourisme, globalement, il n'y a rien. Les pêcheurs, j'ai été dans le village de pêcheurs, le vrai village de pêcheurs. C'est pas qu'ils sont malheureux, mais ça doit pas être fun quand il y a beaucoup de pluie et beaucoup de vent, si tu veux ce que je veux dire. Hein. C'est, ouais, c'est très light quand même. Hein. Alors, des gens ont vécu probablement des centaines d'années comme ça, ils ont vécu des vies tout aussi heureuses que les nôtres, hein, donc il faut, tu vois, il faut relativiser. Mais je comprends que les mecs veuillent avoir de l'électricité, avoir un petit peu des facilités, aller à l'école par exemple, ce qui est plutôt utile encore une fois. Donc, en allant là-bas, tu fais fonctionner le truc. Quand t'es en Inde et que tu vas avec un guide dans l'Himalaya, le guide, il a une famille qui habite à quelques centaines de kilomètres. Si le mec, il n'a pas de touristes à guider, il ne gagne pas d'argent. Et c'est des régions dans le nord qui sont quand même compliquées. Hein. Il fait genre moins 50 en hiver, tu vois. Donc c'est compliqué. Donc tout dépend vraiment, je pense, de ta façon de voyager. Si tu consommes local, mais du vrai local, si tu vas dans le même restaurant que vont les gens, par exemple aux Philippines, tu manges très facilement dans la rue. Si tu vas là-bas, ben le gars, puis après tu vois, c'est vrai que c'est marrant, j'ai critiqué, mais il y a des voyageurs et je l'ai déjà critiqué sur Voyage Cast en plus, mais tu vois genre le mec il fait ben tiens voilà un poisson, ben tu me le fais griller, ok pas de problème, ah c'est 100 je sais pas quoi, puis le mec fait ah non c'est pas 100, moi je sais je veux ça pour 20, et puis tu sais qu'ils discutent les prix à un point où ça devient dégueulasse, et là effectivement tu te mets à profiter. Moi, le gars, il me sert le poisson. Alors, c'est vrai que s'il me le fait 10 fois le prix du philippin, moi, je dis, oh, t'es sympa, cousin, mais je veux bien payer un peu plus, mais là, t'abuses. Puis le mec rigole, généralement. Puis généralement, il te fait payer, du coup, le même prix. Puis toi, tu laisses un pourboire, tu vois. Puis le pourboire, c'est peut-être le même prix que... C'est peut-être le double de ton assiette de poisson, j'en sais rien. Pour toi, c'est 20 centimes d'euros, c'est 50 centimes d'euros, mais le gars, ben, ça lui file un coup de main. Oui, oui, ben oui, bien sûr, ça, je conçois bien que qu'ils ont une économie du tourisme aussi, quoi. C'est logique, ça. Mais ouais, je sais pas. Après, bon, c'est oui, effectivement, que c'est pas évident, oui, parce que c'est là aussi, tu vois, on retombe dans la facilité, tu vois. Qu'est-ce qui est facile? C'est d'aller aux Philippines dans un hôtel 5 étoiles que tu payes ici à un groupe américain, où tu vas globalement voir des Philippines seulement la plage qui est en face de ton hôtel. Des Philippins, tu ne vas connaître que ton serveur et tu vas être clean, tu vois. C'est vrai que quand tu vas dans des trucs un petit peu plus, pas glauques, tu vois, mais un petit peu plus vrais, tu vois, quoi qu'il faudrait, vrai, c'est même pas forcément vrai. Enfin, des choses qui sont pas des hôtels 5 étoiles, c'est un petit peu différent. Mais c'est bien, tu fais toujours des belles rencontres, tu discutes avec les gens sont souvent intéressés même de te voir dans certains endroits, tu vois. Et pourquoi t'es venu ici? Ben, je sais pas. Il y avait à droite, il y avait un hôtel 5 étoiles, à gauche, il y avait vous, ben j'ai été chez vous, parce que le 5 étoiles, non, ça m'intéresse pas. Puis du coup, c'est intéressant, c'est marrant. Puis quand tu rencontres des gens, tu vois, genre, tu discutes avec des jeunes. Alors souvent, ce qui est un petit peu gênant dans ces pays, c'est qu'ils sont tellement hospitaliers qu'ils vont t'offrir des trucs, tu vois. Alors que ça devrait être le contraire, normalement, vu que t'as plus de moyens. Mais du coup, le mec, il paye la première tournée, ben tu payes la deuxième, tu payes la troisième. C'est cool. Ouais. Puis il faut pas négliger l'aspect culturel aussi, je pense. J'avais discuté de ça par rapport à la Birmanie, tu vois, on disait, ouais, la Birmanie, c'est vrai que tu donnes de l'argent à un régime qui est pas très cool quand même encore aujourd'hui, même s'il a tendance à s'ouvrir, entre grosses guillemets. Mais comment est-ce que tu veux que la pensée intellectuelle des Birmans, entre très grosses guillemets, évolue? Par évolue, je veux dire qu'ils aient un autre angle, justement, s'il n'y a pas d'étrangers qui viennent. Au fond, toi, en tant qu'étranger qui vient avec tes propres idées, ta propre logique, tu vas modifier l'endroit où tu vas aller, modifier peut-être la pensée de la personne avec qui tu parles, Et c'est important, parce que ça va lui montrer une autre réalité. En fait, si tu parles avec une personne, même qu'elle soit beaucoup plus pauvre que toi, n'importe quoi, mais que tu parles sur un pied d'égalité en échangeant des avis, des pensées, toi, tu vas repartir avec quelque chose et la personne va repartir avec quelque chose. Et c'est l'échange, si tu veux, qui n'est pas monétaire, mais qui est intellectuel. Et je pense que c'est hyper important. Ça te coupe? Ben, qu'est-ce que tu veux que je dise après ça, quoi? Je suis forcément d'accord avec toi. Ben, forcément non, parce qu'il y a peut-être d'autres angles à voir ça, mais ouais. Après, voilà, il faudrait que j'ai l'expérience pour argumenter, quoi. Ouais, c'est ça. Et je ne l'ai pas, donc je me tais. Mmh. Je t'écoute. Non, mais je pense que globalement, j'ai raison. Je t'écoute parce que j'ai un podcast des voyages cash pour moi toute seule. Non, mais je pense que c'est ça qu'il faut apprendre, tu vois. Et même, tu vois, par exemple, c'était hyper intéressant de voyager aux États-Unis. Hein? Est-ce que je te coupe ou pas, Jonathan? Mais coupes, moi, je peux t'écouter toute la nuit. Hein. Alors, je continue sur les États-Unis, vas-y, je m'en fous. ça me gêne vraiment pas. Non, par exemple, j'étais aux États-Unis et j'ai eu des discussions super intéressantes avec les gens qui, notamment, pensaient. Les Américains pensent souvent qu'on les déteste, en fait. Par on, j'entends l'Europe, voire le reste du monde. Ah tu ouais, vois. D'accord. Alors après, c'est mon avis personnel, puis c'est vrai que la Suisse a peut-être plus de liens avec les États-Unis que la France avec les États-Unis. Je suis pas sûr, mais au niveau politique notamment, il y a eu plus de problèmes entre la France et les États-Unis qu'entre la Suisse et les États-Unis. Mais ils trouvaient super intéressant de discuter avec quelqu'un qui ne les déteste pas, tu vois. Ça paraît con, mais c'est important. Globalement, si tu veux, la chose injuste qu'il y a, c'est que toi, tu peux voyager et tout le monde peut pas le faire. Mais pour moi, dans le monde idéal, tout le monde voyagerait. C'est pas possible, et ça sera jamais possible. Mais à partir du moment où tu penses que dans l'idéal, tout le monde voyagerait, tout le monde pourrait échanger d'idées, tout le monde pourrait voir comment ça se passe ailleurs, il y aurait un métissage, un petit peu des idées, et puis du coup, on serait peut-être beaucoup plus calme, en fait. Parce que les extrêmes, à mon avis, elles naissent quand tu vois pas quelque chose d'autre. Oui, d'incompréhension, quoi. Voilà. T'as toujours... Tu vois, t'as de la peine à détester des gens avec qui t'as parler, avec qui t'as bu une bière, tu vois. Ah bah oui, c'est logique, ouais. Ouais. Donc imagine, pour résoudre les problèmes du monde, il suffirait que tout le monde aille partout boire des bières. Non, c'est un petit peu con, je suis d'accord, mais je pense que c'est pas forcément si faux, quoi. Donc je sais pas vraiment si tu peux ajouter quelque chose là-dessus, mais... Non, je peux rien ajouter. Je peux rien ajouter là-dessus. Ok. Non. Ben si, voyager, allez. T'es parti loin, quoi. Ouais, mais ouais, j'ai continué à parler voyage. Attends, c'est quand même un petit peu dans la thématique. C'est ton truc, c'est ton truc, donc voilà. Moi, j'aimerais bien que quand on t'entend parler comme ça, de ce côté ouverture, de ce côté partage et tout. Ce soit aussi le cas sur des occasions qui sont beaucoup plus proches de chez nous, quoi. Je veux dire, rencontrer les gens à l'autre bout du monde, c'est quelque chose d'intéressant et d'enrichissant personnellement. Et puis alors, apparemment, vu ce que tu dis, d'enrichissant aussi pour les personnes qui te reçoivent. Mais je trouve qu'on manque tellement aussi de ce contact-là dans la vie de tous les jours que je trouve ça... Ouais, mais c'est je trouve normal, ça dommage si d'être ouvert, que les gens aient tellement envie de partir, alors que cet effort qu'on va faire pour aller découvrir d'autres personnes, on ne le fait pas forcément sur la proximité, quoi. Waouh, voilà, j'ai réussi à t'expliquer un peu ce que je voulais dire. Alors, je pense que c'est à la fois vrai... Bon, tu ne vas pas me contredire ce coup-ci encore. Si ? Rien que par intérêt. Alors déjà, il y a un truc, c'est qu'on voyage, on a le temps. Et on n'a pas le temps, souvent, dans notre vie de tous les jours. Tu vois, quand je passe... Ah non, on n'a pas le temps. Voilà, on a de l'argent à gagner. Ben voilà, par exemple. C'est à foutre. Hein. C'est ça. Quand tu passes... D'ailleurs, là, il faut peut-être qu'on y aille. Hein. Non, t'inquiète. Tu vois, par exemple, quand tu passes un mois aux Philippines, c'est normal que tu parles avec des gens. Tu vois ? Et même en réalité, tu vas remarquer que si tu restes une semaine au même endroit, tu vas parler avec beaucoup plus de gens que si tu restes juste 2 jours. C'est normal, c'est logique. Si tu veux, il y a rien à contredire là-dessus. Quand je suis en Suisse, j'ai effectivement beaucoup moins de rapport avec les gens que je l'ai en voyage. Mais c'est normal, parce que quand je vais au boulot, ben, c'est tôt le matin, j'ai pas envie que les gens me saoulent. Quand je rentre, je suis fatigué, puis souvent, c'est ma petite pause avant de continuer à bosser sur mes projets à la maison. Du coup, non, effectivement... Bah non, je suis pas d'accord. Et non, je trouve pas ça normal. Toi, tu trouves ça normal, moi non. Parce que c'est une facilité. Et en réalité, faire l'effort de discuter avec des gens, alors, j'ai envie de dire, peut-être principalement en Suisse, c'est compliqué. Parce que quand tu vas, par exemple, aux Philippines... Je sais pas comment c'est en Suisse, quoi. Ben, les ouvertures, elles sont pas très grandes, tu vois. Il y a beaucoup d'endroits au monde où quand tu t'arrêtes, les gens vont venir vers toi. Est-ce que tu cherches quelque chose? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Ou quand tu es, par exemple, en Afrique, ça m'avait quand même surpris. Tu es dans le bus, tu connais pas du tout les gens. Il y a un bébé devant toi qui rigole. Tu t'amuses avec, je sais pas, tu lui fais un sourire, machin. La maman, elle te tend le bébé. Tiens, joue avec. Putain, mais en Suisse, personne ferait ça. Parce que... Non, là c'est peut-être un petit peu beaucoup effectivement. Oui, mais c'est par les extrêmes que tu vois, mais c'est souvent clair. Plus personne se parle, plus personne se. Bon, c'est aussi parce que personne fait l'effort. Et si tout le monde se dit, personne ne se parle, il faudrait que quelqu'un commence à parler pour que ça change. Voilà, c'est dans l'idéal, mais en réalité, je pense quand même qu'on le fait souvent justement quand on a le temps. Tu vois, je vois par exemple même, nous, tu vois typiquement. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans la même rue, mais on est les deux sur Internet, on est aussi proches. Tu dis quoi, nous, toi, toi et moi. Voilà. Finalement, il y a eu une occasion qui est entre guillemets exceptionnelle, c'est que les deux ont fait du podcast. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a parlé et c'est cool. Et je pense que Internet, de ce point de vue-là, c'est aussi un bon moteur qui est. C'est peut-être étrangement plus facile de parler à quelqu'un sur Internet que de lui parler dans la rue, d'aborder quelqu'un et de lui dire salut, je m'appelle Jonathan. Alors que ça se fait communément. Pour moi, mais je pense quand même pour beaucoup de gens. Je parle beaucoup de la Suisse, là, effectivement. En France, je suis pas sûr, quoi, qu'à Paris, honnêtement, j'ai rarement engagé beaucoup de discussions avec les gens dans le métro, tu vois. Parce que c'est Non, parce que ça ne se fait pas parce qu'on a peur chacun l'un de l'autre ou des choses comme ça. Mais finalement, on s'aperçoit que quand t'essayes de faire la démarche-là, ça passe super bien. Ben oui, bien sûr. Quand tu engages la conversation avec quelqu'un qui est assis à côté de toi, alors je passe clairement pour une tarée, mais j'en ai rien à foutre. Hein. Mais en fait, tu t'aperçois que ça fonctionne très bien. Mmh. Si tu es dans le train et que tu as une ou deux heures de train, on n'est peut-être pas obligé de coller sa tête dans son magazine à surtout prier pour ne croiser le regard de personne. Il y a des fois des personnes qui sont... je sais même pas si elles sont intéressantes ou pas intéressantes, c'est même pas ça, quoi. Je veux dire, on peut partager un moment à discuter. Je dirais, tu vois bien si la personne, elle a juste envie de que tu te taises ou pas. Enfin, il y a un élément déclencheur toujours à chaque fois, quoi. Ceci dit, en Suisse, quand on adresse la parole à quelqu'un, ça peut limite des fois passer pour une agression ou une entrée dans sa vie privée, tu vois. Mais pourquoi? Parce qu'on le dérange. Bah, faut une invitation. Limite, ouais. Mais alors, il se passe jamais rien. Ben non. Putain, c'est triste, quoi. Ah, je suis d'accord pour dire que c'est triste, effectivement. Mais c'est très compliqué d'aller là contre. Ceci dit, je pense... Tu vois, on parle de vie de tous les jours. Et dans la vie de tous les jours, c'est quand même pas si évident que ça. Par contre... Ça arrive quand même régulièrement, je sais pas, quand t'es sur les pistes de ski, que tu parles avec quelqu'un à côté de toi. Mais quand tu fais du ski, mais c'est le meilleur endroit au monde pour engager la conversation avec n'importe qui. Ouais, mais parce que t'es calme. Et t'as le télésiège, je sais pas si vous appelez ça comme ça, vous. Aussi, ouais. Voilà, là t'es sûr, certain d'entamer une discussion, t'es parti pour 20 minutes de remontée. Ou s'il y a beaucoup de monde, de toute manière, tu vas pas être avec les gens que tu connais. Hein. Il faut avancer. Donc, tu te retrouves sur des trucs de quatre places où tu es au milieu et tu es à gauche, à droite avec des gens que tu connais pas. Donc, tu as 20 minutes. Bon, il n'y a pas grand-chose à foutre. Hein, à moins 10 là-haut, en train d'attendre d'être arrivé. Mmh. Donc, forcément, là, l'élément déclencheur est l'ennui. Donc, tu vas forcément parler. Ouais, d'accord. C'est un petit peu comme quand le train, il tombe en panne, quoi. Ouais, ouais, mais c'est dommage. Ouais, écoute, honnêtement, si c'est le lundi matin que je suis en train d'écouter un podcast qui est déjà 6h30... Mais non, je parle pas avec les gens qui ont des oreillettes dans les oreilles. Ouais, mais en Suisse, c'est plutôt entre ceux qui ont les casques, ceux qui ont les iPhones dans la main en train de lire, et ceux, honnêtement, t'as quasiment plus personne qui fait pas quelque chose, tu vois. Ouais, bah je suis folle alors. Peut-être. Et ouais, j'en ai bien peur. Ou alors on est tous fous et t'es la seule qui n'est pas folle. C'est possible aussi. C'est complexe. Je dis, tu vois, que ce soit même dans les rencontres qu'on fait entre podcasteurs ou des choses comme ça, dès qu'il y a une raison, dès que tu sais qu'il y a un intérêt commun, ça passe tout seul, tu vois. C'est le manque d'éléments déclencheurs, quoi. Ah bah peut-être. Tiens, quand tu es en voyage, c'est un petit peu facile parce que toi, tu es un étranger, lui, c'est un gars du coin, donc lui, il a de l'intérêt à savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais là. Toi, ben, tu es là pour découvrir les gens, le paysage, etc. Donc tu as un intérêt aussi. Tu veux, tu as un intérêt commun. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il y Moi, a quelque mais chose qui je te trouve ça différencie, vraiment, tu vois? je trouve ça vraiment triste, quoi. Oui. De toute façon, on a des rapports humains un petit peu étranges, en Suisse notamment, je pense. Un Ben, je petit peu sais froid pas, quand je même, suis tu pas vois. allée assez souvent et assez longtemps en Suisse pour te dire ça. Mais après, ça, tu vois, par exemple en Valais, l'endroit d'où je viens, qui est plus petit, qui est plutôt un petit peu montagnard, etc. Si tu vas dans un, par exemple, tu vas dans un bar, tu vas boire des bières, tu restes pas seul, tu vois. Surtout si t'es des, surtout si toi t'es valaisan aussi, faut le dire. Donc en fait, ça existe toujours, si tu veux, mais ouais. Je pense qu'il faut quand même être dans des certaines conditions de pensée. Tu vois, moi, j'ai pas forcément envie de parler tout le temps avec les gens, en fait. Ben oui, c'est très étrange. Mais non, et parce que, tu vois, quand je suis dans mon trajet au boulot, moi, c'est les T'es dernières déjà dans minutes. ton boulot, Je quoi. T'es dans à ton la fois, boulot. je suis déjà dans mon job, et en plus, c'est le dernier moment avant que j'y sois. J'ai pas envie de me casser la tête, si tu veux. J'ai pas envie de chercher un sujet de conversation, j'ai pas envie de parler avec quelqu'un que je connais pas. Moi, je suis dans mon petit monde, ça va très bien, ça fonctionne très bien. Alors après, est-ce que c'est un comportement sain? Je ne sais pas. Mais je suis pas spécialement ouvert, et comme je suis à côté de gens qui ont globalement la même pensée que moi, parce que à 6 heures du matin dans le train, tout le monde est là pour aller bosser, ben, si tu veux, la chance qu'on se parle, elle est infiniment petite, tu vois. C'est pour encore une fois, pour revenir aux Philippines, j'étais dans un je monte dans un bus, dans un petit bus, tu vois, on était, je sais pas, 5 ou 6, tu vois, pour 6 heures, 7 heures de route, je sais pas. Donc je pose mon sac à dos, machin. À côté de moi, il y a deux blancs qui se mettent, tu vois, parce que je voyage aussi là où il y a des Philippins. Et puis je les entends parler allemand, puis ça me fait marrer. Alors du coup, je leur parle allemand. Les gars, ils habitent à 5 minutes de chez moi, quoi. Bah oui. Là, l'élément déclencheur, Ben c'était voilà, juste ça, quoi. et Non, voilà. mais... Et du coup, on a parlé ensemble. Ensuite, on était dans le même petit village, donc on a été manger ensemble et tout ça. C'était cool. Mais dans la vraie vie, je les aurais croisés, je leur aurais jamais parlé. Il y avait aucune raison, il y avait aucune situation qui permettait qu'on soit à ce moment-là bien, tu vois. Et c'est pour ça qu'on aime bien les voyages aussi, parce que nous et les gens qui nous entourent sont dans une situation qui nous permet d'être très proches, tu vois. Des fois, c'est fou les discussions que t'as avec des gens que t'as jamais vus. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, si cette chose-là te plaît autant quand tu voyages, c'est qu'elle, quelque part, elle te manque dans ta vie courante. Bah non. Tu prends ta dose quand tu pars en vacances et quand tu reviens, t'as assez pour Mais attendre la prochaine fois. je te dirais que le podcast, il m'amène beaucoup ça aussi, tu vois. Ouais. Les gens que j'ai interviewés sur Voyagecast, je les connaissais pas. Bon, à part ma sœur, mon beau-frère et mon papa. C'est que des gens que je connais pas, tu vois. Donc ça apporte quelque chose. C'est différent. Après, effectivement, c'est chaque 2 semaines, donc c'est pas très régulier, tu vois. Mais je sais que moi, par exemple, entre guillemets, ce besoin de parler avec des gens et tout ça, je joue de temps en temps en ligne. Ça apporte la même chose, parce que là, t'es avec des gens, t'as le temps, tu dois faire, des fois t'as des objectifs communs, du coup tu discutes, machin, t'apprends à connaître les gens, des fois tu les revois régulièrement ensuite en jeu. Tu as cette facilité, mais c'est dans un moment que j'ai choisi, où je suis bien, où je suis détendu, et où tu peux avoir une bonne discussion. Je pense que le moment avant d'aller bosser et après aller bosser, c'est pas le meilleur moment pour discuter avec Jonathan, tu vois. Et je pense que c'est quand même le cas beaucoup de gens, tu vois. T'es pas ouvert, donc ça va être difficile à ce que ça marche. T'es en pleine réflexion? Mais je pense qu'il y a une énorme majorité de personnes dans ton cas, quoi. Et Oui, parce que si on était, si j'étais le seul dans mon cas, fondamentalement, des gens me parleraient. Du coup, parce que je suis quelqu'un de poli et qui essaye d'être correct, j'enlèverai mon casque et je discuterai avec ces gens. Mais dans les faits, ça n'arrive jamais. Ok, je t'accorde le bénéfice du doute pour l'horaire. D'accord, bon, ouf. Ah, voilà, on va dire ça. Admettons, tu ne travailles pas. Mm-hmm. Il y a des jours où tu ne travailles pas quand même. Oui. Le samedi ou le dimanche. C'est ça. J'explique même pas, je suis en train de passer pour une tarée. Non, non, mais j'essaye de suivre ton raisonnement. Non, c'est bon. Allez, c'est bon. Moi, je trouve ça super triste, en fait, que les... Ah non, mais ça, on est d'accord que c'est plus. Triste. Mais c'est encore une fois, entre guillemets, notre mode de vie qui nous pousse à faire comme ça, je pense. Et c'est justement les moments, voilà. Les moments où on fait une rupture dans notre mode de vie, qu'on change et que du coup, ça devient peut-être quelque chose de plus naturel. Quand tu essayes une fois de faire l'effort, ça te fait bizarre. Et puis ensuite, au bout d'un moment, tu dis, tiens, effectivement, quand je teste cette façon-là d'aborder... je sais pas, c'est une façon de dire bonjour ou une façon de mettre un mot en plus, faire le sourire, qui fait que la réaction de la personne est différente. Et du coup... Le contact se fait ou se fait pas. S'il se fait pas, voilà, on n'en parle plus. Mais tout le monde n'est pas forcément intéressant, hein. Je dis pas ça, mais je trouve qu'on peut prendre le temps des fois de découvrir les gens et on est souvent étonné. Je suis d'accord avec toi aussi, ouais. Après, est-ce que tu as le temps de le faire dans un trajet de train de 20 minutes Ah, mais tu m'emmerdes avec ton train, enfin. Il y a bien des jours où t'es pas dans le train et tu croises des gens quand même, non? Mais dans la rue, il y a personne en Suisse. Non, mais c'est vrai qu'en Suisse, on a quand même pas forcément cette mentalité, tu vois. Encore une fois, quand tu parles à quelqu'un, il va se dire, mais pourquoi il me parle? Qu'est-ce qu'il me veut, tu vois? Il faut qu'il y ait un but bien défini, tu vois. Par exemple, genre, t'es à la fin du film au cinéma, ouais. T'es assis, il y a des gens à côté de toi, tu leur demandes, vous avez trouvé ça comment? Et puis là, ça va aller, tu vois. Parce que t'as vécu un moment, entre guillemets, avec eux, même si tu leur as pas parlé de tout le film, t'as vécu une même expérience, tu as un but et ils voient la chose bien, tu vois. Mais Voilà, là, t'as une belle occasion, tu l'utilises. D'accord. Après, tu vois, genre, quand tu manges au McDo ou n'importe quoi, aller discuter avec des gens comme ça, mis à part si y a trop de monde et du coup tu manques de bol, t'es à une table où tu dois être deux qui se connaissent pas, ce qui est plutôt rare. Non mais c'est vrai, c'est grave, hein. Limite les gens préfèrent aller bouffer dans la rue plutôt que se mettre à une table où il y a déjà quelqu'un, tu vois. Enfin, je veux dire, je sais pas si c'est... peut-être en France j'ai été qu'à Paris... Non mais je suis d'accord avec toi. En Suisse par exemple, généralement en Suisse dans le train, encore une fois, tu ne t'assieds pas à côté de quelqu'un. Non. Tu vas t'asseoir en face de lui et décaler. Tu vois. Oui. Non, mais on évite tous les contacts. Voilà, ça favorise déjà pas vraiment la discussion. Toi, tu vois. Mais tu peux participer à ça ou tu peux ne pas y participer. Bah non, parce que moi j'aime bien. Ouais, je sais. Je me dis ça. Je me le dis pour moi, quoi. Voilà, moi, j'ai bien compris que t'étais un ours. En plus, t'as de la barbe et tout, donc voilà quoi. C'est fou. Donc hein. C'est mort. Si je te croise de toute manière à 6h du matin dans un train, en Suisse, je ne t'approche pas. Non, non. Et se dit, c'est rigolo, tu vois, parce que dans le train, alors, comme je prends toujours le même, ça arrive. Mais si tu vois tout le temps les mêmes gens et tout, non, il n'y a rien qui se passe, quoi. Mais si, parce qu'au bout de 6 mois, on se dit bonjour quand on rentre dans le train. Putain, il y a des codes, quoi. Et on se dit au revoir quand on quitte. C'est incroyable, on s'est dit bonjour et au revoir, quoi. L'année prochaine, je rajoute un sourire avec mon bonjour. Voilà, exactement. Et des fois, si le train, il est en retard, tu vois, genre, tu te regardes. Et t'échanges le mélange de désespoir, mince, je vais rater mon bus de 2 minutes, tu vois. Tu partages ce moment intense de détresse humaine, et c'est beau, tu vois. Il n'y a même pas besoin de mots tellement c'est profond. C'est beau. C'est beau ce que je dis. Et oui, parce que les gens se parlent quand ça va mal. Ah oui, est-ce que tu as déjà remarqué ça? Oui, parce que quand ça va, a priori, on s'attend à ce que ça aille bien. Donc du coup, ça ne mérite pas spécialement une critique spécifique, tu vois. Si je prends l'exemple, non. Par exemple, du cinéma, un film qui est parfait, bon, voilà, il est parfait, mais c'est beaucoup plus rigolo de parler d'un film qui est nul, tu vois. Oui. C'est beaucoup plus rigolo. y a beaucoup plus de trucs à dire, tu vois. Oui, oui, oui. Ben, oui. Mais j'ai toujours tort avec toi, en fait. J'ai pas tort, j'explique mon point de vue et c'est à toi de rebondir après. Non, si t'as raison. Ah, putain, j'ai essayé là. Hein. Les autres fois, j'ai abandonné. Hein. Je t'ai laissé parler. Mais après, ma façon de l'expliquer est peut-être aussi toujours un petit peu extrême. Mais bon, ouais, j'en sais rien. Enfin, voilà quoi. Moi, je trouve ça dommage que. Ah, mais là, on est d'accord. Sur ton point de vue, voilà. Que c'est dommage et qu'on parle sans doute pas assez avec les gens qui nous entourent, je suis d'accord. Mis à part ça, c'est très compliqué dans nos sociétés. Mis à part ça, c'est logique que ça ne se fasse pas. Mais on est éduqué comme ça quand même, entre guillemets, depuis qu'on est petit, si tu veux, à pas déranger les gens, à pas faire trop de bruit, à pas forcément parler avec des gens qu'on connaît pas, etc. Oui, ça c'est vrai aussi. Tu vois, quand t'as... Ouais, c'est vrai. Quand t'as ça, à la base, déjà, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, tu vois. Ouais, on t'apprend à être méfiant. Un petit peu. Ouais, un petit peu quand même, tu vois. C'est vrai que dans certains pays, par exemple, parler avec des enfants, c'est pas dérangeant. Alors qu'en Suisse, moi, parler avec un enfant que je ne connais pas, à part s'il est perdu, je ne le fais pas. Mais alors, je pense qu'il y a beaucoup de raisons tout à fait valables qui font que... je le fais pas et que c'est pas forcément socialement accepté. Mais fondamentalement, tu vois, je suis pas un mauvais type, tu vois. Je parle avec un gamin, c'est que ça me fait marrer, tu vois. Il y a rien derrière. Mais il y a une méfiance qui est plutôt logique, en fait. Et c'est triste, parce que du coup, t'as plein de petits interdits comme ça, tu vois, où même parler à une fille dans le train, c'est compliqué. Parce que elle va penser que tu la dragues. Ah non, c'est pas vrai. Il n'y a jamais d'arrière-pensée quand une fille vient parler à un mec. Ah, j'ai bien compris. On va pas aller dans ce débat. C'est pas vrai du tout. Hein. On va pas aller dans ce débat parce que j'ai déjà fait la dernière fois. Mais dans le fond, ça va souvent être pris comme ça quand même. Donc du coup, ça limite déjà beaucoup. Puis après, deux mecs qui se parlent, il faut qu'ils aient des raisons de se parler quand même. Les mecs, on est un petit peu cons de ce point de vue-là, je pense. Et c'est marrant parce que tu vois, par exemple, quand tu vas dans un festival médiéval ou n'importe quoi, tu peux parler avec n'importe qui parce que t'es réunis pour la même passion. Tu peux parler pendant des heures de Vikings ou je sais pas quoi. Le même mec dans le train, tu lui aurais jamais adressé la parole parce qu'il te manque ce point commun, cette liaison qui fait que tu peux commencer à parler, quoi. Mais c'est bizarre. C'est bizarre et c'est triste. Bon, moi je trouve ça triste, les gens qui se parlent pas. Ben, relance pas. Non, j'espère. Tais-toi. Dernier point. J'espère juste que... Tu vas encore pas me contredire, hein. Non. Ah non. Je suis pas d'accord. C'est triste, mais j'espère que c'est juste que tu ne vois pas avec qui il parle. J'espère que quelque part... Quoi? Il parle avec des gens, que ce soit via un club, via n'importe quoi. Et pour rebondir sur ce dont on a parlé, c'est un des avantages du foot, par exemple. Ou globalement... Oula. Oui. Ouh là là, attends, t'es allé le chercher loin celui-là. Hein. Mais il faut, tu sais, dans les émissions, il faut toujours faire des liens avec ce dont on a parlé, ce dont on va parler. Comme ça, ouais. Tu restes comme si t'avais bien préparé le truc avec un fil rouge, tu vois. Mais par exemple. Là, tu l'as peut-être bien préparé ton retour avec le foot, mais moi, ça, je t'ai pas suivi. Mais parce que le foot ou le sport, c'est quelque chose qui réunit des gens, c'est fédérateur, et ça te permet de communiquer sur quelque chose. Et après, tu vas peut-être regarder un match de foot, mais ne pas parler de foot. Tu vas parler d'autre chose, mais s'il n'y avait pas eu ce match de foot pour réunir les gens au même endroit, ces gens-là ne se seraient pas parlé. Et Comment tu te rachètes une bonne conscience en parlant du foot comme ça ? Je l'ai dit depuis le début, je sais en partie pourquoi le foot existe et pourquoi il est nécessaire. Ça ne veut pas pour autant dire que le supporter de base ou que j'aime le foot en fait. Mais ceci dit, il y a une vraie raison pour laquelle ces choses sont faites et pour lesquelles elles fonctionnent. Oui. C'est fédérateur. Voilà. Il faut qu'il marque 3 buts pour que tout le monde, d'un coup, s'aime et aille dans la rue regarder les feux d'artifice. Et de ce point de vue-là, pourquoi pas, c'est triste. Et ben moi, tout ça, ça me rend triste, quoi. Je me dis que les gens ont tellement besoin qu'on leur explique que c'est l'occasion, là, maintenant, de se rencontrer, que je trouve ça triste, putain. C'est quand même dingue que ça ne puisse pas marcher tout seul, quoi. Qu'il faut toujours un... Ouais, bah voilà quoi. Mais c'est mon côté peut-être un peu idéaliste du truc, quoi. Ouais, puis je te dirais que dans beaucoup de sociétés, quand même, quand on rigole, quand on pleure et tout, c'est plutôt beaucoup défini aussi, tu vois. Tu rigoles pas forcément avec tout le monde, pas forcément tout le temps, pas forcément dans toutes les circonstances, ou en soi, si tu veux, on reproduit souvent des schémas qui sont les mêmes ailleurs, différemment, si tu veux. Ce sera pas le foot, ce sera autre chose, mais il y aura des choses comme ça, tu vois. Donc, après, on va très fort dans les théories anthropologiques et c'est peut-être très tard pour en parler de ça, mais il y a sûrement des raisons pour lesquelles tu trouves ces choses-là dans beaucoup de sociétés qui sont différentes mais qui vont dans le même but. Et c'est pour maintenir l'équilibre et l'unité en partie, et ça fonctionne, donc voilà. Voilà. Écoute, je vais réfléchir à ça. Hein? On essaiera d'en parler sur Entre Podcasts, tu vois. Maintenir l'unité. Ok. Je vais me réécouter ce que tu as dit et y réfléchir. Je me dis peut-être que quand je réécouterai, comme ça, je verrai que j'ai dit des conneries, peut-être. A priori, comme ça. J'émets un doute. Mais c'est comme bon. Les fêtes de mariage, comme les fêtes religieuses à certains moments, comme tout ça, si tu veux, c'est que c'est construit et ça a un rôle dans la société. C'est pas là pour rien. Ah oui, d'accord, ça. Voilà, en très résumé, c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on n'avait pas l'intention de discuter. Voilà, exactement. À mon avis, t'as vraiment bien fait de faire un plan. Ça nous a été extrêmement utile. À mon avis, on n'a absolument rien fait de ce qu'il y avait écrit sur le plan. Hein. Mais vraiment rien. Deux trucs quand même. Mais c'est pas grave, parce que c'est ce qui est super bien, c'est qu'il est déjà prêt pour la prochaine fois quand tu viens. Donc merci. Demain, même heure. Même heure, peut-être un peu moins tard, parce que sinon je vais souffrir. En plus non, de... mais, hey, j'avais... mais tu sais que moi, je m'étais bien calée sur ce que j'allais faire là. Hein. J'ai bien peur que ce soit toi qui ait développé. Et moi, j'adore t'écouter. Hein. Donc, je te laisse parler. Je ne sais pas si c'était vraiment le but. Moi, je me suis servi de ce que tu as dit pour aller plus loin, en fait. Ouais, j'ai bien vu. On a quasiment pas parlé de podcast. C'est vrai. Mais oui, je peux dire. Alors, attends. Tu me laisses juste, parce que je sais pas, il y avait une question qui disait quel podcast ils sont bien, ou quel podcast j'écoute, ou je sais pas. J'ose juste dire, crier tout mon amour pour 24 FPS. Si l'HQ. Et en plus de ça, les deux derniers épisodes sont probablement parmi les meilleurs qu'ils aient jamais fait. Et c'est pas parce que je suis un invité dedans que je dis ça, hein. C'est vraiment en toute sincérité professionnelle. Non mais se dit, 24 FPS, podcast sur le cinéma qui est vraiment génial. Qu'il faut écouter, voilà, c'était juste pour leur faire un bisou entre deux. Tu pourras couper si ça te fait plaisir. Mais moi, je les aime bien. Et non, podcast science aussi. Non, c'est pas ça. Je suis d'accord avec toi. Moi, je dirais 24 FPS, podcast science, mais t'en as déjà parlé, voilà. Oui, ils sont géniaux. Et Temporium, j'en ai parlé pendant le podcast aussi. Je pense que c'est vraiment trois podcasts qui sont. Ouais, c'est un podcast historique que j'aime beaucoup parce que je l'écoute parce que justement, t'as pas l'impression d'assister à un cours d'histoire comme tu les aurais de manière scolaire. Mm-hmm. Et puis, mais peut-être aussi que je me suis demandé si j'avais pas des bons profs à l'école parce que l'histoire finalement m'intéresse, la mythologie, tout ça. Et c'est vrai que j'avais posé la question là et ils avaient répondu que c'est peut-être aussi qu'on n'était pas dans le même état d'esprit. Mm-hmm. Et effectivement, quand on écoute ça, on l'écoute simplement se cultiver ou voilà. Il y a personne qui attend rien en retour. Tu vas pas être noté, tu vas pas être interrogé, tu vas pas avoir un programme à suivre. Ok, ce titre m'intéresse, je vais l'écouter et donc tu le prends comme un loisir, voilà, pour te cultiver un peu plus. Et du coup, c'est vrai que en ayant cette approche là, tu vas voir. Tu vas aller écouter un truc historique, un podcast sur l'histoire, de manière bien différente. Et puis en plus, c'est raconté, mais le mec est formidable, quoi. C'est excellemment écrit, ça. C'est super, quoi. C'est vraiment super. Non, il est génial. Et sa manière de mixer des musiques, de jeux ou de films aussi, je trouve ça plutôt dire, intelligent aussi. Sans être trop... inabordable, et puis tu vois que tu t'entends que la personne qui fait ça a pas forcément les mêmes références que nous, mais parfois il y en a qui nous parlent. Et du coup, quand t'as quelqu'un comme ça qui partage un petit peu les mêmes centres d'intérêt, et ben ça dit ah ouais, donc c'est pas réservé à telle ou telle élite ou telle ou telle personne bien plus intelligente que moi, qui, tu vois ce que je veux dire, voilà. Tout non. À fait. Écoute, c'est un des gros avantages. Je dirais la même chose sur l'anthropologie pour moi. Ça ne m'aurait pas intéressé quand j'étais à l'école. Ça m'intéresse maintenant pour beaucoup de raisons. Et des fois, c'est juste une histoire de timing. Et quand tu es dans le timing, tu es prêt à absorber tout ce que tu peux absorber et faut en profiter. Oui, il y a un moment où c'est que tu es capable de... où tu as envie. Mm-hmm. Puis il y a des moments où tu n'as pas envie. Puis c'était pas le bon moment, la bonne époque, le bon endroit. Mm-hmm. Ouais, c'est clair. Donc, finalement, on en aura parlé un petit peu des podcasts, un tout petit peu, mais c'est pas grave. Sûrement que ce soir, on avait envie de parler de ça, quoi. Oui, écoute, moi, je me laisse guider par la discussion. Je me pose pas plus de questions que ça. Bah oui. On dit au revoir à ceux qui nous ont écoutés, et puis à la prochaine fois, Jonathan, parce que du coup, comme on n'a pas parlé de ce que j'avais prévu. Pas du tout, un tout petit peu, mais vraiment pas du tout, eh bien, tu es obligé de revenir. Bah écoute, ce sera avec un énorme plaisir, Karine, c'est toujours un plaisir de parler avec toi, et puis, voilà, du coup, que faire d'autre? Ben, écouter des podcasts, c'est bien, ça vous rend intelligent. Allez, on leur dit salut. À plus. Désolé, salut. Mais j'étais encore au self, ils ont un très bon gratin dauphinois aujourd'hui. Vous m'avez fait perdre une belle occasion de gagner un marché, et vous m'avez coûté de l'argent. Allô? Je sais pas ce qui me retient de vous foutre à la porte. Vous pouvez pas, désolé, je suis qu'un simple stagiaire, n'oubliez pas. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Ouais. Allez vous faire foutre. Ah bah la hiérarchie, pour tous les mecs qui sont dans les coins. La hiérarchie, pour tous ceux qui ont les mains noires. Ah bah la hiérarchie, pour tous les mecs qui sont dans les coins. La hiérarchie, pour tous ceux qui ont les mains noires. Tu es un boss, boss, boss. Pour tous ceux qui ont les mains noires, à bas la hiérarchie. Pour tous les mecs qui sont dans les coins, la hiérarchie. Voilà. Bon. Voilà. Bon. Et à mon avis, tu peux garder ce dernier fichier que je vais t'envoyer. Enfin, il y en a deux. Hein. je crois qu'il y a les 15-20 premières minutes peut-être à éliminer ou des petits bouts et tout ça. Mm. Mais ouais. Sinon, il sera long par contre, hein, du coup. Bah ouais, j'ai pas trop fait gaffe, mais monsieur, je voulais me coucher à maxi à minuit. Mais c'est dingue, quand t'es parti, t'es parti, toi. Désolé. Pire que moi. Désolé. Mais sois pas désolé, moi je m'en fous, je suis en week-end. Ouais, ça va, non, mais écoute. Ça, j'ai un peu l'impression. Du coup, tu vois, quand j'étais sur le téléphone, je t'avais dans mes oreilles, voilà, c'est bien. Mais là, comme j'ai l'ordi portable qui a allumé de mon voix, j'ai un peu l'impression que ça fait une heure que je parle à une grenouille. C'est mignon. Bon, bah, elle a l'air sympa, elle me tend un verre, donc. Exactement. Donc, voilà, mais j'ai un peu l'impression de parler à une grenouille, quoi. Ah là là. Ben, j'espère bon. Que t'as aimé, puis que t'en tireras des trucs intéressants. J'espère que j'ai aimé. Et comment on peut ne pas aimer discuter avec toi? Ah, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui trouveront ça horrible. Hein, ça. Ben, ceux qui viendront te parler à 6h du mat dans le train. Voilà, par exemple. Ou les supporters de foot. Et je trouve que c'est toujours sympa de voir la personne qu'il y a derrière, en fait. Moi, je me pour ça aussi que ce que tu fais, je trouve intéressant, c'est d'entrer, entre guillemets, plus profondément dans la pensée ou les idées de la personne, et je trouve ça super intéressant. Des mecs comme Blas, tu vois, même que je l'ai rencontré en vrai, c'est un type que je trouve passionnant, moi, avec qui je pourrais parler pendant des heures. Je peux pas vraiment le faire, donc du coup, s'il est en podcast et qu'il parle pendant des heures, moi, ça me va très bien. Mais les mêmes choses que Jérôme, tu vois, on s'est vu en vrai, on a fait deux voyages casse qui font 7 heures, là on a fait deux 24 FPS qui font 6 heures, mais j'aurais envie d'encore plus discuter avec lui parce que je sais pas, je le trouve intéressant. Et en plus de ça, c'est un type bien, donc les types bien, ça fait plaisir de rencontrer, et quand tu les rencontres, t'as envie de passer du temps avec, ça me semble logique, quoi. Ouais. Et je te laisse, je te souhaite une bonne nuit. Ouais, je t'envoie donc pas ça maintenant. Hein. Non, tu vas faire dodo, tu le sauvegardes là quand même, parce que ce serait dommage. De toute façon, ça sauvegarde automatiquement. Non, alors je t'envoie le fichier brut et tu te démerdes avec. Oui, parce que j'aime bien me démerder en fait. Ah oui, non mais... J'aime bien faire les choses toute seule. T'as raison, c'est comme ça qu'on apprend. Ouais, mais des fois j'en bave. Hein. Et des fois je regrette, je me dis ah putain, j'aurais dû le laisser faire. Mais non, j'aime pas. Je comprends voilà. Ce genre de choses. Je préfère en chier toute seule. Et si j'arrive à sortir quelque chose de pas trop dégueu, je dis, c'est moi. C'est qu'à moi. Et voilà. Et c'est complètement égoïste. Écoute, tant que ça marche, c'est bon. Donc je t'envoie ça probablement demain en soirée. Mais oui, pas de problème. T'es tranquille. Bon, prends bien soin de toi. Merci. Et promets-moi de revenir vite. Ben, quand tu veux. Terminé. Ben, il faudrait qu'on revienne avec Anne-Laure, du coup. Non, merde, t'as déjà mis stop? Non, j'ai pas mis stop, pourquoi? Bon. Eh ben, on va inviter Anne-Laure à venir la prochaine fois. Ok, pourquoi pas, ça marche. Moi, je suis d'accord. Pour. Donc, la prochaine fois, Jonathan, tu reviens bientôt, très vite, s'il te plaît, et avec Anne-Laure cette fois-ci, d'accord? Écoute, avec plaisir, on commence à plus supporter avec Anne-Laure, mais bon, pour le c'est podcast vrai? Et pour toi, on le fera. D'accord. Non, c'est pas vrai, je l'adore. Je veux absolument vous avoir tous les deux, ou elle toute seule. Ah, je sais pas si je la laisse aller toute seule chez toi. Si après elle raconte des trucs méchants sur moi et que je peux pas faire le montage, ça marche pas. Mais voilà, Anne-Laure, tu es invitée et s'il te plaît, dis oui. Viens me faire un petit coucou parce que ça sent trop la testostérone dans le coin et j'ai vraiment envie de discuter avec des filles. Scandaleux. Bon. Ouais, je sais. J'assume. Je lui donnerai les directives avant qu'elle vienne chez toi histoire qu'elle raconte pas de bêtises. Je suis pas dictateur pour rien, quand même. Ok, ça marche. Ça marche. Bonne nuit, Jonathan. Bonne nuit. Bye bye, Karine. Salut.